Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 13 de Geekorama. Bienvenue tout le monde! Comment ça va, Dan? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, Dom? Super bien, super bien. Yes, toujours content d'être là aux deux semaines pour vous, oui. Très chers auditeurs, pour vous offrir le meilleur. Le meilleur de quoi, au juste? Le meilleur de la musique de jeu. Oui, exactement. De son univers. Voilà. Ben oui, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on vient de vous résumer notre podcast en deux secondes. Fait que là, Dom, on est rendu où, là? Là, on est rendu, en fait, c'est la deuxième partie de Super Mario RPG. Oui, exact. Donc, on est rendu à l'épisode 13 exactement. De Geekorama. Et c'est ça, en fait, on a une bonne première partie. Je tiens à remercier, en fait, pour concernant la première partie, on a eu des bons commentaires. Entre autres, M. Sébastien Bouchard, qui m'a écrit personnellement. Je pense que je te l'avais pas dit. Puis, il m'a donné une belle critique constructive. J'en remercie beaucoup au niveau de notre son. Et okay. On a essayé d'arranger ça cette semaine. On a essayé en fait, on a carrément mis la track mono. Ben, en tout cas, je sais pas comment dire ça. Mais bref. Il y avait un petit peu de décalage dans le sens que moi j'étais à gauche, Dom était à droite, Dom était à droite, moi j'étais à gauche, quoi, bref. Puis, ça devrait pas être ça, là. Non, là, cette semaine, je pense qu'on tient quelque chose de correct. Là, on a rétabli nos affaires et tout va bien, du moins je l'espère. On va toucher du bois, hein, même ça, c'est du gyps. Hey, non, mais sans joke, je suis très, très, très content d'être là, vraiment. Dom. Oui. Donc, oui, tu t'en allais dire de quoi, puis je t'ai coupé, je suis désolé, mon gars. Il n'y a pas de problème, là, maudit. Vas-y, non, je tiens à le dire, parce que maudit que j'ai gossé, on est là, on est sur iTunes, enfin. Oui, hey, c'est vrai. On est sur iTunes. Ladies and gentlemen, j'espère que vous appréciez notre fil iTunes, parce que notre Dominique Jean National a travaillé très fort pour vous offrir un iTunes de qualité. Donc, ben allez-y donc, sacrément. Abonnez-vous, puis faites comme Mathieu Lamarre, hein. Non, mais s'il faudrait que tous nos fans soient comme Mathieu Lavard, il n'y en aurait pas de problème. Non, mais sérieux, d'autres, merci. Ouais. Qui nous a fait un beau commentaire, il nous a donné 5 belles étoiles sur notre podcast. J'invite tous les fans à le faire, ça prend 2 secondes et pour nous, ça représente bien plus que 2 secondes. Fait que c'est très apprécié. C'est notre pays. Faites-le et voilà. Fait que c'est si ça qui est ça. Si bien dit. Ben, merci. Je me fais rougir. Non. Fait que, écoute, là, on est rendu à notre... Bon, on peut passer, je pense, à qu'est-ce qu'on a joué cette semaine. Ouais, qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? Qu'est-ce que t'as joué, mon dos? Moi, j'ai fini The Last of Us. Ah oui, c'est ça, oui. Oh, quel jeu fantastique. Il y a 2 semaines, tu jouais, ouais. J'ai pas été... c'est malade, mais, t'sais, sans spoiler, évidemment, j'ai pas été tant épaté par la fin que moi. C'était très bon. Okay. Pas été autant. Je trouve que ça finissait. Ouais. The Last of Us, c'est le genre de jeu que tu finis le premier coup. T'arrives à l'écran de la fin, puis tu te dis, moi, je retoucherai plus jamais. Tu sais, je veux dire, la fin est bonne, elle est excellente. Moi, j'ai trouvé ça cœur. Hein. Mais Last of Us, tu le finis, puis tu te dis, ok, correct, je vais attendre le DLC, mais j'étais tenté, tu sais, j'ai pas mal de jeux de platiné, tu sais, j'étais un ancien platineur, puis si ce serait pas des trophées en ligne, peut-être que je m'aurais remis dedans. Ouais. Mais je me suis dit, des fois, je repense deux, trois, quatre fois avant de le faire, bon, ça, je m'embarque dans ça, faut que je le refasse, puis maintenant, j'ai plus ce temps-là, puis cette patience-là de refaire le jeu. Ah, parce que c'est d'ouvrage, là. Ouais, c'est ça, puis c'est long aussi. Platiner un jeu, là, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est ça, fait que là, je le fais. J'ai mon fun, puis là, je passe à un autre jeu après ça. Non, c'est bien correct. Puis après ça, j'ai... Ben, évidemment, joué à Somnose. Ouais, c'est toujours. Toujours pas nouveau. Puis j'ai commencé Thief, mais hey, Thief. Pas le dernier, là. Pas le dernier qui est sorti il y a quelques jours, mais lui de 98, ouais. Là. Thief Gold, ouais. Ben, sur Steam. En fait, ouais. Puis Thief Gold, en fait, c'est un... c'est pas un, le pas une extension, mais c'est comme une autre édition parce que le premier Thief, c'était pas ça en fait, c'était juste Thief tout court. Mais Thief Gold, c'est juste, je pense, il y a eu des nouvelles maps. puis beaucoup de corrections de bugs. Dave Gold, okay. Je pense, a sorti un petit peu plus tard, je pense. OK. Fait que non, c'est le fun. Ça reste. Ah, ça a l'air d'être une version plus complète, du moins. Là. Ouais. Mais c'est ça, je sais pas si c'est le premier ou si c'est le deuxième. Non, c'est j'ai comme. J'ai regardé c'est sur le store, puis je pourrais pas dire. Je pense que c'est une autre version avec d'autres maps supplémentaires. Ouais, ouais. Mais c'est ça, il reste. C'est le fun. Je suis pas tant familier avec les jeux du genre, t'sais, le genre stealth, là, infiltration. Mais non, c'est le fun, c'est un classique, évidemment. Puis, ouais, puis ça change beaucoup... un peu. Hein. Ouais, c'est ça, ça change un peu à donne. Puis, c'est que tannant, c'est qu'il y a beaucoup de bugs. Ah ouais? Alors, des fois, je reste pogné. Faut que tu saves souvent là-dedans. Puis, des fois, je saute à quelque part, puis je reste pogné. Puis là, c'est. Ah ouais, c'est même c'est la version gold, c'est ça qui me fait rire. Ouais, c'est ça. Mais t'sais... bon, ça gâche pas tant que ça le jeu, ou puis genre l'autre, puis c'est pas grave, là, mais. Selon ce que j'ai vu, en général, par contre, c'est bon. Ouais, selon ce que j'ai vu des critiques, donc le dernier qui a été fait, si je me trompe pas, par la gang de Eidos Montréal, qui ont fait également l'excellent. Deus Ex. Ouais. Ça a l'air quand même aussi le même problème. Il y a l'air d'avoir beaucoup de bugs. L'intelligence artificielle est so-so. C'est assez mitigé. Ça me fait penser à un autre jeu aussi similaire. Je pense que c'était publié par Bethesda. Carine. Oui, puis les noms. En tout cas, c'est je suis sûr que le monde le savent en ce moment. Mais ce jeu-là aussi avait eu les mêmes problèmes que Thief. Je pense que c'est un problème récurrent. C'est un peu comme chaque Skyrim qui sort, on sentait les mondes ouverts. Pis ouais. Les affaires de même, on dirait qu'ils ont vraiment de la misère à balancer tout ça pour que ce soit en même temps beau, jouable, puis que l'intelligence artificielle soit pas celle d'un gamin de 8 ans. Ouais. Fait que ça doit être de la job pour nos amis les programmeurs. On les salue, puis on salue votre travail, les gars. Faites bien ça. Ah, moi, je ferai pas votre métier, définitivement. Moi, je suis pas du genre à. Je suis difficile à faire haïr un jeu. T'sais, moi, ouais, je suis du genre à. Tant que c'est ton genre. Ouais, c'est ça. J'ai la misère, vraiment. Faut vraiment que le jeu soit poche, en estiche, pour que je le déteste. Ça date à quand ton dernier jeu de merde? Mon dernier jeu de merde. Ton dernier, là, tu sais, là, vraiment, là, tu sais, t'as fait de A à Z, pis t'as quand fait tabarnak. Pis les jeux rétro comptent pas, on s'entend. Parce que toi, pis moi, on a joué, je pense, à un jeu d'Olympique au Centre Cap chez Nico, un moment donné. Je te dis que toi, les joueurs, c'est que c'était mauvais, là. Mais mauvais par chez mauvais. Oh, c'était drôle, ça. C'était, mais on s'entend, tu sais, c'est comme, fais le tour en une demi-heure, tu sais. Ouais. Mais il y avait Resident Evil 6 que j'ai pas vraiment aimé. Il y avait la campagne de Léon puis de Colin Chris que j'ai aimé. Mais après Jake, je l'ai fait, mais un peu forcé. Puis Ada, je l'ai pas fini parce que j'étais à bout. Ça, c'est ma joke de l'année. Ça a pas de sens. Comment que. Tu sais, l'expression. It isn't even my final form. C'est pas encore ma forme finale. Cette joke-là représente littéralement Resident Evil 6. Ben, c'est surtout dans la campagne de Léon, ça, je pense. C'est surtout dans la campagne de Léon, oui. Puis le mot « calice », mais vas-tu mourir, là? J'ai dû l'utiliser 20 fois, là. Yeah, puis je vais vous le spoiler, puis je m'en contrefous, je suis désolé. Spoilers! Là. OK, à la fin du boss, à la fin de la campagne de Jake, OK, t'as comme le boss de la fin, qui est, selon moi... Tu sais, au début, la première fois que tu le vois, tu fais comme « oh, tabarnak », tu sais, c'est quasiment le Nemesis de Resident Evil 3. Mais écoute, là, c'est ridicule. À toutes les fois que tu le bats, c'est tellement long. Ah ouais, c'est lui ce qui te fout dessus tout le temps. C'est fatigant. Il y a comme une boule à la place de la main ouais, web. Il est lourd, il se déplace. Puis, on dirait les El Gigante dans Resident Evil 4, mais 4 fois moins charismatique, puis 4 fois moins hot, là, puis 4 fois moins dangereux. Parce que tout ce qu'il fait, c'est qu'il te court après. Mais je veux dire, t'as jamais l'impression d'être vraiment en danger. Parce que tout le monde est là à dépenser le bal comme des débiles. Ça, c'est trop long. En tout cas, puis là, à la fin, t'arrives avec la fille qui tellement forgettable. Je me souviens même pas de son nom. Puis là, t'arrives à la fin, pis là, tu bats le boss. Il tombe dans l'air. Okay? Moi, j'étais sûr que c'était fini. Après ça. OK, puis dans Resident Evil 5, là, quand Wesker il tombait dans l'air pis qu'on collissait deux hosties de missiles, on trouvait ça over the top parce qu'on était là, voyons, ça n'a pas de sens. Mais là, on savait qu'il était mort. Là, c'est comme, tu t'assures de qu'il... T'as reçu deux missiles dans la tronche quand t'es dans l'air, là. Je veux dire, juste le fait d'être dans l'air. Ouais, déjà là, t'es supposé te brûler un peu. Mais là, dans la campagne de Jake, là, ils ont poussé ça, mon ami, là. Là, j'ai dit, mais voyons donc. Là, tu te sauves comme sur une espèce de rail, une espèce de plateforme avec, Puis là, oh, t'as une petite séquence de time event qui cauchemardesque. J'avais vraiment un pressentiment rendu. Non, c'est pas encore fini, c'est clair qu'il va revenir. Non, non, c'est ça, c'est parce que sinon, on serait en train de lire le credit screen. Là, ouais. Ça serait fini. Il te l'aurait dit, c'est fini. Mm. Puis là, non. Puis là, Asti, il revient de la lave. Dude, je veux bien croire que t'es une bébite mutante, ok, qui est fucking whatever, là, que je sais pas comment que t'as été créé. On sait même pas d'où que tu viens de un, ok. Nemesis, à la limite, on savait que c'était une expérience qu'Umbrella avait faite, qui avait mal chié. Mais toi, tu sors de nulle part, comme un clown d'une fête d'enfant. Indestructible, c'est ce que tu veux. Man, c'est ça, meurs, hostie, t'es allé dans lave, Jésus-Christ. Puis c'était comme une espèce de mognon en plus, là, pour ceux qui ont joué. Pour ceux qui n'ont pas joué, imaginez-vous juste comme un gros monstre qui ressemble à Nemesis avec une boule de métal à la place de la main douette, là, trempé-lé dans l'arbre, pis on dirait une poche de thé qui sort d'une tasse d'eau trop chaude. Il aurait dû créer les piquants. Comme, tu sais, moi, les piquants, c'est comme le pire ennemi, puis surtout de Megaman. Dans Megaman X, tu sais, Megaman est supposé avoir une armure en titane. Titane, c'est carrément solide. Titane X, whatever, puis un petit. Tu touches un piquant qui est même pas sur le sol, puis ce que tu portes, tu forces à peine ton poids dessus, puis tu meurs. Hey, c'est des estis de piquants. Je vais prendre un stylo, je vais mutiler qu'un stylo. Ouais, c'est ça, puis tu vas mourir. Et dans le jeu même, il se fait comme écrasé par une espèce de robot, tu sais, qu'il marche comme avec un espèce de gros pied là, qui écrase. Puis écoute, il prend la moitié de l'écran, là, je veux dire, peut-être pas tant que ça, mais tu sais, il est comme quatre fois haut comme Megaman. Il pile dessus, il perd un petit peu de vie. Ouais. Pas plus, tu sais, voyons. Ça se posait avoir les jambes arrachées, la tête écrasée. Avec un pic, par exemple, non. Games Logic. Oh, ok, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait aller bien longtemps de même. Sinon, là. Toi, Dan, à quoi as-tu joué? Ah, mais moi, j'ai joué à des jeux. Ben, évidemment, je joue toujours à Awesome Notes une fois de temps en temps. Oui. Là, je suis quand même assez actif sur Wii U, là. Ben, ma blonde aussi. Sur la Wii U. La Wonder Wii U. Vas-y, parlez le petit. C'est ça, là, j'ai fait un call pour avoir des amis, tout ça, puis... Ouais, c'est enfin, vrai, faut que je t'ajoute, toi, là. Oui, ajoute-moi. Ouais. Là, j'ai Maxime Tremblay de l'Épée légendaire, j'ai Milter, enfin. Milter, ça y a pris 4 ans à m'ajouter. Mon maudit Milter sale. Bon, c'est pas vrai, t'es très propre, ou pas. Mais bref, c'est ça, fait que... là, je joue en masse à New Mario... Ben, New Mario Bros. Oui, j'ai comme arrêté un peu. Là, je suis rendu dans Zelda Wind Waker HD que je joue à temps perdu. De temps... Il est vraiment le fun. Super plaisant comme jeu. Il est beau au port de ça. Vraiment un beau jeu. Après ça, j'ai pas continué encore Mario 3D World. Fait que je m'en Ça va être mon prochain. 3D World, c'est mon prochain jeu de ouais, de console. Là, parce que j'essaie d'alterner un peu. Je joue un jeu de console, je joue un jeu d'ordi. Ouais, c'est ça, moi, je suis un hybride. Je fais les deux. Ouais, nous autres, on est de même aussi. Ben, d'ailleurs, parlant de jeu de PC aussi, je me suis adonné. J'ai acheté dernièrement le Strider, en fait, qui est comme un jeu qui a sorti jadis par. Qui a été fait par Capcom, qui a sorti au PlayStation 1. C'est des jeux que j'avais skippé. Moi, j'avais jamais vraiment joué à ça. Ok. Strider, ben, moi c'est. Aussi. Ça, ouais. Parce que. À part le PlayStation 3, j'ai inclus des consoles de Nintendo dans ma vie. Ben, moi, j'ai eu le Play 1, mais mettons que j'avais passé vraiment d'argent pour m'acheter des jeux récents. Fait que. Puis quand est venu le temps de. Tu sais, bon, j'ai vieilli, je me suis acheté un PS2, tout ça. J'avais, entre autres. Il y avait Spoutnik, jeu vidéo. Puis là-bas, dans un jeu rare, Strider, je l'ai jamais vu. Fait que. Ok. Tu sais, puis Internet, je sais pas, je connaissais pas le jeu. Fait qu'en tout cas, bref, j'ai downloadé ça. 15$ sur Steam, tout ça. J'ai acheté plein prix. J'ai dit, oh ouais, je vais essayer ça. Le monde, les critiques sont vraiment bonnes. Tu as des 9 sur 10, puis tu as des 10 sur 10. Fait que j'ai comme fait. Nice. Ouais, je vais essayer ça. Pourquoi pas, tu sais. Puis honnêtement, wow, c'est vraiment plaisant. C'est. Imaginez un platformer, un peu open world, tu sais, un peu monde ouvert. Puis dans le fond, t'es étonné. L'histoire, c'est vraiment pas compliqué. Avance, puis découpe des cyborgs, là. C'est vraiment ça, là. Ben, tu sais, je sais qu'il y a une espèce de il y a l'air d'avoir une espèce de leader politique qui contrôle le monde, puis évidemment, on se rebellise contre lui. C'est un peu. On a déjà vu ça, mais c'est qu'est-ce qui fait le jeu vraiment, la musique, le gameplay. Le visuel était écœurant, vraiment, là, c'est hyper beau. La facture visuelle, tout ça, puis c'est vraiment frénétique, c'est rapide. Tu montes ses murs, tu sautes. Ce qui est le fun, c'est que tu peux basher le bouton attaque là, autant de fois que tu veux. T'sais, je sais que toi, tu bashes en Chris. Ouais, je suis pas tabarnak là-dedans. Parce que c'est vraiment c'est rapide. Puis autant que tu avances, tu sautes, tu peux tout le temps basher. Puis okay. Ça va suivre ton joystick. Fait que, puis, tu sais, mettons qu'il y a 3-4 gars, ben, tu peux sauter dans les airs, éviter le bal. T'es tué au fur et à mesure, puis tout ça, tu sautes. Très, très, très dynamique comme jeu. Puis les boss fights sont malades. Honnêtement, là, ça, c'est vraiment hot là, comme jeu. Là. Je pense que t'aimais ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Non, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis tout ça, j'ai arrêté un peu de le jouer pour commencer en Somnotes. Mais c'est sûr que je veux finir ce jeu-là absolument parce qu'il est vraiment. Si vous aviez des doutes ou si vous pensiez acheter ce jeu-là, vous n'étiez pas sûr, mais que bon, vous avez vu les critiques et tout ça. Non, achetez-le, même à plein prix, là, j'ai pas l'impression d'avoir fait avoir. Puis, mec, sorte en rabais sur Steam, là. Carrochez-vous là-dessus. Il est à combien? Sans hésiter. Il est à 15$. Je t'assure, sûr, t'allais dire 100$. Il est à 100$. C'est un petit jeu de téléchargement. Je l'ai acheté. Oh, ouais. 100$, ça aurait coupé. Moi, 100$, j'avais ça. Je traînais dans mon garde-robe. Je me suis dit, m'a acheté Strider. Mais tantôt, tu parlais de bâchage de boutons. Parce, ouais. C'est ça. Parce que souvent dans les jeux, moi, je bâche comme un débile. Juste avec mon pouce, ça, je suis. Ils vont dire que je suis de Parkinson. Je vous mets au défi de bâcher plus vite que Dominique. Non, sérieusement, je call out tout le monde qui veut vaincre Dominique Jean au bâchage de boutons. Ben, dans ma vie partie, j'aimais ça, les jeux de même. Parce qu'il fallait juste que tu pitonnes, calisse que je voulais dire. Ah, c'est là que tu t'es entraîné, toi, c'est pour ça. Combien de manettes que j'ai scrappé de Mario Soda au Sun 4 à cause de Mario Party? La stiche de jeu de corde, là. Tu sais, le jeu de la corde, là, que faut que tu tires, là. En tout cas, c'est un cauchemar. Bref, le machage de boutons, ce qui est étonnant, c'est que des fois, ça suit pas nécessairement ton rythme. Moi, non, je marche comme un débile, mais ça suit pas mon rythme. C'est handicapant parce que ouais, c'est ça. Ça suit pas ton. Mais crée-moi. Star Fox 64 faisait ça. Je vais te le faire jouer tantôt, là, mais qu'on finisse le podcast. Puis okay. Crée-moi que tu vas suivre ton rythme de pouce. OK. Puis ce qui est le fun, c'est le fun aussi, c'est qu'au fur et à mesure que tu continues dans le jeu, tu débloques des habiletés. Comme à un moment donné, tu sautes dans les airs, puis tu peux peser sur. Moi, c'est une manette Xbox triangle. OK. Puis il fait comme une espèce de leap of faith avec son épée, là, tu sais, comme. Tac! Un peu comme Zelda. Après ça, quand tu tiens ton piton enfoncé, ça fait un coup d'épée qui est comme plus puissant, parce que des fois, okay. T'as des espèces de soldats qui ont des boucliers, puis eux autres, tu peux juste les tuer de même. Fait que tu donnes un coup comme ça, puis des fois, t'as comme trois personnages de suite. Tu sais, lui, un bouclier, les deux autres n'ont pas. Fait que ça tue les deux autres, tu jumps dans les airs, puis là, tu bashes, puis clac, clac, clac, tu le tues, puis c'est vraiment le fun. Mais t'as même dit de la magie là-dedans. Comment? T'as dit triangle, par exemple. Xbox, c'est un triangle. Cas, ouais, non, c'est. J'étais là. Il y a une manette de Play et une manette d'Xbox en même temps. C'est correct, c'est un hybride. Ben, on sait tous que triangle puis Y, c'est en haut. Tu sais, quand je dis carré puis X. Je sais ce que tu veux dire. Ou mettons A puis X. Tu sais, là, j'ai dit deux fois X. Fait que je suis vraiment mêlé. Fait que je vais arrêter de rire là. Mais c'est ça. Strider, excellent jeu. Je jouais à ça. C'est pas mal, en gros, ce que j'ai joué dernièrement. Nice. On va. Y aller tout de go tout de suite, Dre, là, avec une nouvelle section que je voulais intégrer dans le podcast. Section, oui. Ouais. Je vais sûrement la retravailler, je vais sûrement refaire plusieurs autres petites choses comme ça. En fait, je vais faire des nouvelles. C'est des nouvelles gore que j'ai appelées. Parce qu'on écoute, on écoute pas juste la musique de jeu. On est des gros gamers. Oui, oui. On s'informe. Oui, ben oui. Ben, j'écoute beaucoup de musique de jeu, faut dire. En tout cas. Ben, moi aussi, j'écoute rien que ça, en tout cas. C'est ça. Mais j'ai ramassé quelques petites nouvelles. J'ai pas de jingle pour mes nouvelles, ça va juste y aller comme ça. Donc, on commence direct là avec la première nouvelle qui a capté mon attention dernièrement. Et je veux bien sûr parler de la fameuse fermeture d'un des grands studios. Oui. Qui, selon moi, a marqué l'univers du shooter de ce genre-là dans le style narratif. Et je parle bien de la fermeture de Irrational Games. Oui, les créateurs de Bioshock. Donc, publié sur le barème de 2K. Donc, moi, j'ai lu quand même beaucoup là-dessus. De ce que j'ai compris, M. Ken Levine, dans le fond, lui, il s'est adressé évidemment à la population, à ses fans, en disant « On est vraiment attristé de tout ça, nanana. » Moi, je m'en vais de mon côté. Lui... Au départ, il voulait s'en aller carrément pour faire un studio qui est comme plus petit. Ouais, c'est ça. Mais finalement, non, là, il va rester sous la bannière de 2K. Sauf que ce départ-là, finalement, ça l'a coûté à peu près, je pense, 150 emplois. donc qui était formellement donc à Irrational Games, qui était entré des gens qui développaient pour Monsieur Ken Levine, pour Irrational Games, pour 2K. Donc c'est 150 emplois qui ont été coupés net frais de sec comme ça. Moi j'ai trouvé ça très rough, c'est triste pour ce monde-là. J'ai vraiment été triste pour eux autres, parce que on s'entend, tu sais, tu me dirais du jour au lendemain, Dan, t'as plus de job, bon, moi je m'en calisse, je ferais pas carrière là-bas là. Ouais. Mais du monde comme ça qui ont payé cher des études, c'est des programmeurs, des designers artistiques, peut-être même des sound engineers, des gens qui travaillent le son, tout ça, de se faire couper comme ça du jour au lendemain, ça a dû vraiment pas être facile, tu sais. Puis en plus de ça, en ce moment, ils sont en train de travailler sur le dernier opus du jeu téléchargeable, en fait, de l'extension de BioShock Infinite, qui se trouve à être Burial at the Sea, deuxième partie. On se souvient qu'il y avait partie 1, et là, il va y avoir, ça va être leur dernier jeu sur la barène de Rational Games. Donc, je trouve ça triste. Ouais, c'est triste. Mais j'ai hâte de voir ce qui va s'en venir, par exemple, pour l'avenir, là. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas juste du négatif là-dedans, ça va sûrement... Ben, moi, ce que je pense, c'est que M. Levine, lui, il a gardé 15 personnes, dans le fond, de ce qu'il a de son ancien studio. Puis, il va créer des plus petits jeux et des jeux téléchargeables seulement. Donc, il n'y aura plus besoin de soucier des pochettes. On se souvient qu'il y avait une controverse sur comment faire la pochette d'un jeu. Bon, ben, tu sais, il n'y aura plus besoin de faire ça. Ça, c'est ridicule. Le monde chante tout le temps. C'est vraiment... C'est rien qu'un gars qui a un gun qui marche sans s'opposer. T'as pas besoin de ça pour faire un bon jeu. C'est Call of Duty. C'est tout le temps la même affaire. T'as un explosant en arrière avec un gars qui regarde pas puis qui marche. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Les gens Activision ont jamais fait de conférence de presse comment faire une pochette. Une pochette de jeu. Si ton jeu il est bon, il va bien se vendre parce que le monde va dire qu'il est bon. T'sais, ta pochette, dans le fond, elle sert juste, c'est un extra. C'est l'art. Moi, je joue pas avec la pochette. Pis... Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui se démarquent plus. Moi, je dirais, ça, mettons, je ferais un top vite de mes pochettes. Là. Il y aurait peut-être même ceux-là de Darksiders, je les ai vraiment aimés. Il y avait un petit peu de brillant dessus, il était belle. Ceux-là de Borderlands, je pense qu'il y avait une espèce de relief. Oui. C'est ça, c'est vrai. Mais c'est juste du. Ça reste c'est de la gimmick, là. C'est ça. C'est pas grave, c'est qu'une image. Puis tu sais, aujourd'hui, même les pochettes, on s'entend, on avait... Moi, dans le temps, les pochettes, mais les livrets. Écoute, moi, les livrets, ça faisait 2 cm d'épaisseur, puis je parle même pas de la traduction française. Puis aujourd'hui, il y a rien. Tu sais, on a eu des pochettes comme celle de Megaman 1, come on. Tu sais, puis... Effectivement, j'ai l'air sacrément là-dessus. On n'en parlera pas, on dirait un bonhomme en maillot. Mais en même temps, c'est ce qui a fait un peu... Tu sais, quand ils ont fait Megaman 9... 10. Tu sais, des pochettes lettres, ça l'attire quand même. Ça a créé. Ça l'attire un bas. Moi, je pense au jeu Phalanx. OK? Puis Phalanx. Ah, oui, Phalanx. On s'entend. Oui. Qui était un schmop. OK? Et la pochette, finalement, c'est un vieux qui est une chaise berçante en train de jouer du banjo. Ouais, puis je me rends. Puis c'est un schmop. Ça n'a aucun lien, gars. Ça, c'est un meilleur exemple. Peut-être que Phalanx, ça veut dire. D'avoir un insert dans la manière de ça, écoute, c'est sûr. Le petit vaisseau spatial, là, vous regarderez la pochette, là. Vous irez sur YouTube ou Google Images. Il y a un petit vaisseau, là. Écoute, dans le coin à droite ou à gauche, là. Je me souviens plus en haut, là. Puis that's it. Sinon, c'est un vieux bonhomme qui a un brin d'air dans la gueule puis qui vous de la guillotine. Quand je l'ai acheté la première fois, je me suis fait, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi, Phalanx. Puis il est le fun. Ben, je sais pas si c'est ça. Le monde a plus parlé de la pochette que du jeu en tant que tel. Fait que moi, tant qu'à moi, si tu veux vraiment faire une belle pochette puis que le monde parle de ta pochette, ok, fine, mais t'es mieux de faire un bon jeu au lieu d'une bonne pochette. Ouais, exact. Just saying. En tout cas, on garde ça, parce que ce que M. Levin il va faire. Moi, je suis très excité de voir les jeux qui vont sortir de ce gars-là, parce que... Ben, gars, on s'entend que s'il fait des jeux d'autant de qualité en plus petit, avec les jeux qui sortaient comme BioShock, je suis vraiment confiant qu'il va sortir des jeux excellents, mais en plus petit format, tu sais. Effectivement. Ma deuxième nouvelle, en fait, c'est concernant une série que Dom aime particulièrement. quand j'ai connu Dom à l'époque, c'est entre autres grâce à Call of Duty, mais il me parlait beaucoup de deux franchises. Et la première étant, je pense... Non, tu me parlais de Doom, mais c'était Duke Nukem. T'es vraiment Duke un fan. Duke Nukem et Doom, ouais. Surtout Doom. On se souvient que, bon, là... Finalement, Duke Nukem 4 est sorti, puis je pense qu'on a fait le tour. Je pense que la planète a fait le tour, puis Forever. Ouais, on a assez parlé. Et là, on a eu, j'ai lu dernièrement sur les internets que il y a un nouveau jeu de Doom qui est en ce moment, qui est soit, je sais pas s'il est fini, je sais pas s'il est en post-production ou en alpha ou en bêta, mais il y a un nouveau Duke Nukem qui est supposé sortir, mon Dom. Ouais. Mais. Ce sera pas aussi le fun que ça. En fait, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que les anciens développeurs de Duke Nukem, 3D Realms, sont en train, ont là un bout, développé le prochain Duke Nukem qui se trouve à tête Duke Nukem Mass Destruction. Et il y a eu un site internet qui est ouvert là-dessus, il y a eu un Facebook et tout ça, ils ont teasé le monde. Mais le problème, c'est que depuis 2010, 3D Realms n'ont plus les droits légaux, en fait, de faire des jeux de Duke Nukem récents. Eux autres, ils ont signé une entente avec Gearbox, comme de quoi que les propriétés intellectuelles du passé, c'est-à-dire Duke Nukem 1, 2, Solo PlayStation, Land of the Babes, le troisième... Toute la franchise. Tout ce qui est sorti avant Forever, je pense, du moins, ils peuvent avoir... des sous par rapport à ça, donc ils peuvent être monétarisés pour les anciennes franchises. Par contre, c'est là où c'est un peu plus plate, c'est que les nouveaux titres, c'est vraiment juste exclusivement Gearbox qui peuvent avoir le droit dessus. Donc quand Gearbox a appris la nouvelle, a su ça, ils ont coupé ça de net frais de sec. Donc en fait, c'est que Gearbox a carrément est en train en ce moment de prendre des mesures juridiques pour empêcher Duke Nukem Mass Destruction de sortir. C'est triste, par exemple. Puis en fait, il aurait été supposé sortir sur PS4 et PS4 et PC. Et moi, t'es franc, moi cette histoire-là, je la comprends pas. Ok, parce que là, j'ai vu des commentaires sur internet, j'ai vu du monde réagir. Puis là, le monde ça crie au scandale, ça lance des tomates sur Gearbox. Vous avez pas d'affaires, on veut un Duke Nukem. John St. John, always bet on Duke. Mais en fait, ils avaient plus le droit de faire des jeux Duke Nukem Next Gen. C'est plate. Ils ont violé le je trouve ça, oui. Le contrat. C'est vraiment plate, honnêtement, parce que moi aussi, je suis quand même, tu sais, je l'aime bien Duke. Puis j'aimerais ça qu'il y ait enfin un bon jeu. Ouais, tu sais, gars, comment, là? C'est clair que si je dis ça, tout le monde et ceux-là qui aiment pas Duke Nukem Forever vont dire quoi, t'as fait ça? Ben oui, je l'ai platiné Duke Nukem Forever. Ben oui. Bon, on fait partie des gens qui ont platiné Duke Nukem Forever. Et c'est pas un extraterrestre, c'est pas un mongol, non, parce que lui, il a aimé le jeu, il a pas mis ses attentes extrêmement élevées comme la plupart, puis je veux dire... Bon, j'ai eu du fun. Tant mieux pour lui, il a eu du fun, fait que, tu sais, je pense sincèrement que là, la communauté a besoin de remettre les idées en place, puis d'arrêter d'être un peu aveuglé par le fanboyisme, ok? Malheureusement, 3D Realms se sont tirés dans le pied, ok? Ils ont pris des ils ont développé un jeu qui, malheureusement... Il aurait dû changer le nom tant qu'à ça. Tu sais, il aurait dû appeler ça Big Guy ou Chew Bubblegum. Tu sais, quelque chose dans le genre... Ring, Big Fucking Gun. C'est ça, tu sais. Quelque chose dans le genre, mais come on. Légalement, vous n'aviez plus le droit d'utiliser la marque et le nom et l'image de Duke Nukem. Oui. C'est plate, mais vous avez fait ça, mais... La place, c'est ça. Je pense qu'il a sorti un remake récemment de Shadow Warrior. Pourquoi il se concentre pas sur Shadow Warrior? Ouais, c'est vrai, c'est t'sais, vrai. Ça a vraiment pogné, puis ça a l'air que le jeu est excellent. Oui, ouais, c'est fun, ça. Puis, tu sais, au lieu de ça, justement, ben là, il pourrait peut-être se concentrer sur cette franchise-là, puis essayer d'aller chercher John St. John quand même pour peut-être faire un autre, tu sais, un personnage badass qui pourrait être, bon, pas Duke Nukem, mais qui pourrait être similaire. Parce que t'sais, Duke sans John, c'est pas Duke. Ben, c'est quoi? Ça prend, je sais pas c'est qui pourrait l'imiter. Non, ça peut pas. Non, tu sais, je veux dire, tu sais, à la limite, je sais que là, ils vont changer. Ils ont changé la voix de Solid Snake pour quelqu'un d'autre à la place de David Eater. Puis ça, honnêtement, je sais pas comment que Koji Kondo, mais... Kojima. Kojima a pu faire pour faire ça, honnêtement. Ben, c'est sa mascotte. On dit ça, mais... Tu sais, quand il y a Joker, il a changé de voix. Puis c'est pareil que c'est une méchante belle performance. Ouais, c'est vrai, Batman, c'est je vrai. Pense qu'il a changé, il a changé de voix, c'est pareil que c'est génial quand faut même. Faut laisser la chance quand même à d'autres talents aussi. Mais avoue, mais John St. John, c'est Duke Nukem. Ouais, c'est lui qui a crafté le personnage. T'sais, à la limite, le Joker, ouais, ça a toujours été lui. C'est un personnage de bande dessinée puis qui a été repris par plusieurs autres acteurs aussi. On se souvient des films avec... moi, les noms, hein, c'est fou. En tout cas, l'acteur qui a fait sous un nid de coucou, là. tu sais, le gars, le débile dans The Shining qui venge l'emporte. Jack Nicholson. Merci. Bon, il a été repris par Jack Nicholson, le Joker. Il a été repris par génial. D'autres acteurs également. On s'entend. Heath Ledger l'a interprété. Donc, oui, on peut, mais John St. John a toujours été Duke Nukem. Et ce gars-là a crafté, l'a fait lui-même. Donc, ouais, c'est... Tu sais, Gearbox sortirait Duke Nukem Forever du jour au lendemain avec un autre. Là. Il est mieux d'être bon en tabarnouche. Là. Il est mieux d'être solide, d'être badass, d'être imaginatif. Là. Peut-être que ce sera pas pour tout de suite. Moi, je dis qu'ils vont peut-être en refaire un parce que je veux pas, ils ont les droits, mais ce sera pas pour tout de suite, d'après moi. Puis ça va être... Ouais, non plus. Mais en tout cas, on garde l'hiver. Ouais, moi, je garde l'espoir. La nouvelle est quand même assez fraîche, donc... Tout ce que je sais, c'est que Gearbox ont fait, évidemment, les premiers pas au niveau des procédures judiciaires, mais on n'a pas encore entendu parler beaucoup de 3D Realms à ce sujet-là. Il y avait aussi également, ils ont aussi un partenaire de publication, et je me souviens plus du nom, juste pour faire chier. Mais bref, les deux compagnies, on attend ça avec impatience. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se découler, mais honnêtement, moi, j'ai aucune attente que ce jeu le sorte. Aucune. 3D Realm, ça roule pas dans l'or, mais pas plus que ça. Fait que... Donc, je vais y aller avec ma... Je vais y aller rapidement mes deux autres nouvelles. On a... Je voulais juste revenir sur Twitch Play, c'est Pokémon. Oh, mon Dieu. Écoute, c'est un raz-de-marée qui a fait tellement de... Qui a fait beaucoup parler, en fait. C'est vraiment quelque chose. C'est une première dans le genre, je pense. Oui, honnêtement, parce que quand on pense au Let's Play, on s'entend, on tout regarde une vidéo gameplay. Mais là, ce que Twitch a fait, pour ceux qui ne savent pas vraiment, qui n'ont pas entendu parler, c'est que là, il y a un gars, je pense, sur Twitch, qui a décidé de faire jouer Pokémon Red, l'original au Game Boy. À tout le monde. À tout le monde. Via le chat. Via le chat. C'est-à-dire que tu pouvais... Il faut que tu t'inscrives, évidemment, avec un compte, sauf que tu valides ton email. Et dans le chat, tu peux interagir avec le jeu en marquant les commandes. Donc, up, down, B, start, ça. Oui. Écoute, mais... C'est chaotique. Là. Tu vois tout le monde. Là. Tu vois tout le monde qui marque leurs affaires. Là, c'est A, B, start, B. Ouais, puis là, tu vois le bonhomme qui est comme sous. Là, mais il sait plus ce qu'il fait. Oh, il part. Tu peux regarder ça, puis carrément, tu peux regarder le bonhomme faire absolument rien pendant une heure. Quand ça prend 3 heures à couper un maudit arbre. Ça a pris... Ouais, c'est... Non, sérieusement... Moi, je trouve que c'est... En tout cas, je trouve que c'est débile. C'est une expérience, mais je veux dire, quelqu'un qui a vraiment suivi ça de A à Z au grand complet, là, moi, je te lève mon chapeau, mon gars. T'as du temps à perdre, puis t'as vraiment plus de patience que moi, parce que moi, après même pas 15 minutes, j'étais curé. Mais non, ça l'a généré vraiment beaucoup de memes. Le monde a créé une espèce de culte aussi, une espèce de fossile Elix, tout ça, parce que le monde arrêtait pas de sélectionner Elix sur une barrière, puis tout ça. Fait que, bref, ça a créé un monstre. Allez sur YouTube, allez sur Twitch si vous voulez aller visionner ça. Ou sinon, vous pouvez carrément regarder la toune thème de Twitch Play Pokémon. Il y a une toune qui est sortie, ça a été fait par un Français. Elle est bonne, la toune. Puis elle est vraiment bonne. Puis ça résume pas mal l'aventure. Ouais. Sans vous taper, parce que ça a duré quand même 16 jours. Là. C'est long, quand 16 même, jours. Ouais. Il s'en est passé des affaires. C'est autant le monde y allait là pour être sérieux que pour juste faire chier les autres, puis gosser, marquer n'importe quoi. C'est ça, puis il y avait comme un système de vote anarchie et démocratie où ce que les gens pouvaient décider si, mettons, c'était tu pouvais jouer de façon démocratique, c'est-à-dire que le plus de pitons de la même, tu sais, mettons qu'il y avait juste du A, ben là il comptait le nombre de A, il comptait le nombre de B, et celui qui avait le plus de votes, ben c'était lui qui faisait les actions. Et le système anarchie, donc tu pouvais taper anarchie démocratie et t'avais une barre dans le fond anarchie démocratie, et c'était un chaos. C'était vraiment l'expérience. Et là, demain, ils vont dévoiler c'est quoi le prochain jeu. Je pense que ça va être Pokémon Crystal qu'ils vont refaire. C'est clair qu'ils vont toutes les faire. Puis, waouh, là, je veux dire, je capote, là. J'ai hâte de voir ça. Honnêtement, ça, si ça fait autant de memes, puis de fan art, puis tout ça que l'autre, là. Ça va devenir populaire. Ça va devenir un trend. Ouais, ça va vraiment. De faire un jeu interactif. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de jeux que tu peux faire ça, on s'entend. Tu joueras pas à contrat avec 80 000 personnes. J'ai checké ça pendant 30 secondes, puis bon, j'étais tanné. Ouais, c'est quelque chose. C'est vraiment une expérience qui était souffrante à regarder, parce que tu te dis, calique. Tout ce qu'il fait, c'est peser sur Start CV. il pop le menu, il ferme le menu, il pop le menu, il ferme le menu. Tu fais comme tabarnak. Alors, c'est quelque chose. Donc, voilà, c'est tout pour cette nouvelle. Et la dernière, et on va faire ça rapidement. En fait, j'ai vu ça passer, puis Colin, j'étais vraiment content. C'est, en fait... Ouais, moi aussi, j'étais content. Il y a le prochain Wolfenstein qui va sortir dans pas longtemps. Il y a de l'air bon, comparativement, parce que le dernier qui est sorti, ouais, il non, était, c'était mitigé pas mal, c'était mais mitigé, là. Celui-là, il y a de l'air bon. Ouais, et c'est fait par ID Software, évidemment. Et en fait... ID Software, c'est vrai. Ça vient de M. Carmichael, pardon. M. Carmack, lui-même. Ouais, Carmack, ouais, mais il est plus dedans. Ouais, non, parce que c'est quand même lui qui a... Non, mais la prononciation, je remercie Denis Talbot pour ça. Ouais, c'est ID Software. C'est ID Software, ouais, c'est vrai, merci Denis. c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc, le nouveau Wolfenstein qui va sortir, je crois, quelque part en 2014, je suis pas sûr de la date. Ouais. Quand on va le précommander ou l'acheter... Précommander, on va avoir le droit à la bêta du prochain Doom. Ouais. Et ça... J'ai envie de le précommander pour ça. Oui, vraiment. Juste pour ça. Oui, ben Dom est un très grand fan de Doom aussi. Doom. Pas Nintendo. Lol. Non, mais sérieusement, le pire, c'est que moi, j'avais perdu espoir pour un nouveau Doom. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, ah ben... Ouais, on savait pas ce qui était rendu avec Doom 4. Puis, tu sais, ça... Mais là, non. En voyant ça, ça me... Ça redonnait espoir. Ça m'a donné espoir. C'est comme, ben, ils travaillent dessus. Puis, de ce que j'ai entendu dire, le projet à base de Doom 4, il a été complètement effacé. Ouais, ils ont recommencé à zéro. Ils ont recommencé parce que ça ressemblait trop d'un Call of Duty puis d'un shooter. Puis, tu sais, ils voulaient vraiment comme, tu sais, faire ça correct puis vraiment être respectueux. C'est bon, Doom 3. La franchise, tout ça, puis être innovateur. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que l'équipe qui a quand même créé le First Person Shooter, tu sais, on s'entend, vont nous pondre pour Doom 4. Est-ce que ça va être aussi bon que le 3? Est-ce que ça va être aussi bon? Moi, je dis que ça va être un reboot. Probablement. Parce que le jeu s'appelle tout simplement Doom. Ouais, s'ils reviennent avec un c'est reboot. Pas Doom 4, pas Doom 5, c'est vraiment Doom. Parce que si à moi, j'aimerais ça qu'il y ait un reboot, mais du style, peut-être comme le premier, là, avec. Peut-être avec des remixes, des tunes, c'est plus connu, avec des niveaux, ouais. Là. En tout cas, mais en même temps, si c'est pour être un triple A à 59,99, va vraiment falloir qu'ils réinventent solide parce que on est mitraillé de first person shooter qui ont essayé d'inventer le genre, puis c'est difficile. Ouais. Moi, j'irais avec la formule horreur que Doom 3 avait. T'sais, ouais, bah, moi aussi. L'ambiance, tu sais, noire, tout ça, des extraterrestres, une planète, tout ça. Mais vraiment plus open world, tu peux te promener, t'as des histoires, t'sais, un peu comme qu'on fait avec Open world, je sais pas, moi les corps et de sort, je trouve qu'il y en a pas mal. Ben oui, il y en a, mais dans le sens, tu peux aller dans plusieurs sections puis tu peux revenir. Oh oui, ok, ouais, c'est ce comme genre, ça là, de un même, peu ouais. À la Borderland, puis il y a leur jeu. Hey, seigneur, les noms, c'est quoi le dernier jeu que id Software a fait? Le dernier jeu que id Software a fait? Come on, il n'y a pas Skyrim. Non, ça fait un bout. Non, pas une seule fois, c'est Bethesda, ce que j'ai dit là. Hey, hein. Les noms, je pense qu'on est... Hey, non, ça va vraiment pas bien, là. Mais en tout cas... Ah ouais, Rage. Merci. Calic. Kalin. Ça va pas bien, mon affaire, mais bon, c'est ça. C'est quand tu dis Skyrim, ça va pas bien. Puis Rage, j'avais quand même aimé ça, malgré ce que les critiques avaient dit. C'était pas le jeu de l'année. J'avais aimé... Le shooting était fucking excellent. Puis s'ils sont capables d'amener ça dans l'horreur / science-fiction, en tout cas, j'ai hâte de voir. Ouais, moi j'attends. J'ai hâte de voir. Je le ferais peut-être plus arcade. Je trouve que Doom 3, des fois, il manquait peut-être d'ennemis, là, comparativement aux anciens Doom, parce que t'avais des légions d'ennemis. Tonnes, ça n'avait pas de bon sens. En même temps, je pense que la création de Serious Sam a été en raison, en partie à cause de ça. Ils se sont dit, ouais, je pense qu'il n'y a pas assez d'ennemis. Ouais, Serious Sam. On va peut-être faire un jeu où il y a des vagues d'ennemis pendant 2 minutes non-stop. Ouais, ouais, génial. Fait que... Simple mais efficace. Hey, on a parlé beaucoup. Oui. On a parlé beaucoup. Fait une bonne intro, mais là, je pense qu'on va entamer la on suite est dû. De tes blocs. On est dû. Donc, écoute, mon Dom, je vais te laisser introduire le prochain bloc. OK. Dans la fin de la partie 1, on avait arrêté au bloc numéro 7. Puis, Oh yeah. Là, on va recommencer. On est rendu, en fait, au bloc 8. Au bloc 8. Et right. La première toune, c'est Ducati Mountain Railroad. Oui, Railroad. Railroad. En fait, ça, c'est... C'est très Bayou. Oui, c'est Bayou. Ça, c'est... Imagine le gars de Phalanx, ça, qui... c'est ça. C'est ça. Faites juste imaginer le gars de Phalanx. Ouais, juste ça. Juste ça. Fermez vos yeux. Puis imaginez. Allez sur ton ordi, mettez un fond d'écran de Phalanx. Puis faites jouer la toune de Doherty Mountain. Puis regardez la photo. Ouais. Puis soyez. Soyez, Si vous dites, ouais, mesdames, je suis dans mon char en ce moment, c'est pas mon problème, dude. Ouais. C'est pas mon problème. T'es supposé avoir un moniteur dans ton char avec une photo de Phalanx. Regarde, ça fait 20 fois que je te le dis. C'est pas mon problème. Ouais. Fait que rendu là, en tout cas, toi. Fait que, dans le fond, ce bout-là, c'est quand. C'est après que t'aies battu le boss, ça. Je me souviens pas de son nom. De toute façon, les boss dans ce boss. Là, tu parles d'avant Booster. Non, pas. Non. T'as-tu remarqué que dans l'épisode 1, je dis tout le temps, c'est-tu Booster? Non, c'est off. Oh, mais je suis tout le temps. J'ai tellement hâte d'être rendu à Booster. Ouais, mais ça s'en dire. Oui! Ça s'en vient. Non, c'est après le boss avec les bombes. Oui, les bombes. Okay, c'est ça, dans la mine. C'est après ça, c'est dans la mine. C'est quand t'as battu le boss, tu t'en vas un peu plus loin, puis c'est ça, tu vois une espèce de petit wagon. Oui, puis il y a le fun, ce bout-là. Il y a le fun, ce bout-là. Là, t'as comme une autre espèce de vue où il faut que tu ramasses des scènes. Ouais, puis tu sautes ça. C'est quand même assez rough. Oui. Faut que tu sois rapide, ça. T'as comme une vue un peu vers le haut. Ouais. Avec une drôle de perspective. Je sais pas comment dire ça. Tu choisisses. Ouais, tu peux choisir tes chemins. Les chemins, tout ouais, ça. C'est ça. Tu ramasses des scènes au fur et à mesure. Exact. Puis à un moment donné, la vue, elle devient classique. Un peu comme Donkey Kong Country, là. Ouais. Tu vois ton. Sur le côté. Sur le côté, ouais, exactement. Faut que t'évites des obstacles, tu ramasses des scènes. Ouais. Non, c'est vraiment nice. Une fois que tu finis, ben, tu tombes dans une maison de mode, pis là, ouais, il capote. C'était ça qui était cool, c'est que t'avais tout le temps l'impression de jouer un Mario quand même, un peu. Ouais, c'est ça. Malgré le fait que c'était un RPG. Exact. Non, c'est vraiment cool. Après ça, tu vas être content pour la prochaine. Ouh! Allez, on est. Es-tu Booster, là? Oui! Daniel Vanco, j'aimerais ça t'annoncer que nous sommes rendus à Booster. Dominique Jean, je t'en remercie beaucoup. Fait que là, on va pas tout mettre une petite marque sur notre calendrier. Enfin, on est rendu à Booster. On marque un chemin marquant. On marque un chemin marquant. T'as-tu déjà marqué un chemin marquant? Non, mais là, je vais en faire un. J'espère que tu vas marquer un chemin marquant. Un chemin marquant. Bon. Fait que, and my name's Bookie. Mon nom et mon nom, ben c'est Bookie. Mais moi, j'aime. Je sais pas, c'est peut-être une obsession, mais j'aime tellement la place de Booster. Le début, c'est semi. Tu sais, c'est quand même cool. Overall, mais moi, la fin. Mais quoi de spécial? Je sais pas. Je sais pas. La musique est cool. Oui, j'aime ça. Booster, le personnage en tant que tel, il est tellement nice. Il m'a toujours fait penser à Wario, je sais pas. Ouais. Peut-être bien qu'il est ses cousins Wario, whatever. Mais... Ben, dans un bout, parce qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses des espèces de portraits, si je me trompe pas. Ouais, puis je pense. Ah oh oui, la crime, oui, il est là. Ouais, ben, tu vois les ancêtres, là, tu vois Wario. T'as une clé, t'as une porte avec une barrure, puis t'as des. À côté, je pense que. Tu me l'as fait d'en face, ah, peut-être un mois. À côté, je pense que t'as genre une dizaine de cordes, puis ça, c'est toutes les ancêtres. C'est ça, t'as toutes les ancêtres. Puis à un moment donné, puis non, tu vois, c'est carrément, c'est Wario. Carrément, c'est Wario. Tu sais, fait que tu dis, en même temps, ça se pourrait que ce soit ça. C'est ça. Parce qu'il y a une allure un peu. Bizarroïde. Wario, il est comme. Il est extravagant. Ouais, c'est ça, puis. Tu sais, il est très... Tu sais pas s'il t'haït ou ben il va être ton chummy. Il est pas super intelligent non plus. Ouais, c'est ça. Il est... Mais tu sais, c'est un gars qui... Tu sais, il a son château, il a sa place, il a sa business, il a ses minions, tu sais. Ouais, c'est ça, les sniffits. Il essaie de faire ce qu'il a à faire, mais sans non plus être le gars le plus intelligent. Là. Ouais, c'est ça. Parce que... C'est qui est cool, à un moment donné. Ben, en fait, c'est rendu à la fin. Faut comme... T'as des rideaux. Puis, tu au début, t'arrives là, puis là, oups, là, t'entends Booster, puis là, Mario, il va se cacher dans les rideaux. Ça, c'est génial. Ah, j'adore ce bout-là. Puis là, je pense que Booster, il cherche une poupée de Mario. T'sais, il veut comme. Il veut comme reproduire le mariage. Reproduire le mariage. Il veut se marier avec la princesse Peach. Donc, là, il refait la scène carrément de mariage. Ouais. Puis, c'est du crime. Là, il cherche la poupée. La poupée de Mario. Ouais. Dit, Mario, il vient tout le temps comme interrompre le mariage à ce bout-là. Fait que là, ben, les minions sont comme, on va le chercher. Non, ouais, ils cherchent le. Mais pendant ce temps-là, nous, Mario, on est cachés en arrière de ces rideaux-là parce que Booster venait d'arriver, tout ça. Puis on s'est cachés. Donc là, le but, c'est. Pendant que les minions ouvrent le rideau pour chercher Mario, ben, nous, il faut qu'on se déplace de gauche à droite en se cachant. C'est tellement hot! Ouais, ça c'est génial. Puis au début, t'en as un qu'un. C'est facile. Ouais. Puis là, la musique est. Mmh. La manée d'un deuxième qui s'ajoute. Et à chaque fois, avant qu'il ouvre le rideau, là, c'est stressé. Il y a tout le temps, là, un petit bruit de tambourin. Là. Ouais, c'est ça, terrain, ouais, c'est ouais, ça. Puis plus ça va, puis plus il y en a rendu à la fin, ils sont trois, puis ça va vite. Ouais, ça va vite en bâtin. Si tu te fais voir, c'est pas si pire. Je pense qu'il faut que tu te fasses voir deux, trois. Tu recommences. Ouais. Il voit, il fait. C'était-tu ce que j'ai vu? Puis là, il recheck. Je pense que quand tu te fais voir trois fois. Tu recommences au début. Après trois fois. Après trois fois, je pense que ça arrête là. Parce que si tu te fais pas voir. Je sais pas si c'est la même scène qui se passe, mais je sais que, mettons, tu te fais pas voir. Là, tu finis par les boosters puis tout ça. Puis ça donne que t'es en dessous de la poupée. La petite ouais, poupée Mario. Ça. Puis là, tu sautes. Poum! Puis là, ça tombe devant lui. Puis là, il est super content. Puis il te donne un amulette, je pense. Puis c'est bon. Mais si tu te fais voir, je pense, trop souvent, t'as il te le donne. Item, ou t'as... Non, il te le donne pas si tu vas trop souvent. Ouais, c'est ça qui est cool. Puis c'est ça que j'avais remarqué quand t'avais joué. C'est que. Quand t'es capable de faire certaines sections, soit parfaites ou soit d'une manière X, t'es récompensé d'un item. C'est hot, ça. C'est vraiment cool. Fait que ça, c'est nice. Ça te force de le faire parfait. Mais en même temps, quand tu le sais pas, ben, tu le sais pas. Mm. Ah non, c'est très, très cool. Nice. Ensuite, en troisième position, nous avons Long Long Ago. Long Long Ago. Et ça, écoute, c'est... Ben ça, en fait, c'est un classique. Un clin d'œil. C'est pas mal un clin d'œil. Moi, j'appelle ça un easter egg, là, rendu ouais. là. Mais on... Quasiment. Là. Ouais. Si on peut francophoniser ça, c'est plus un clin d'œil. C'est plus un clin d'œil. Tu sais. Puis on se dit... Parce que à Booster, encore une fois, c'est pour ça que j'aime cette place-là. on s'en va d'une place, puis la pièce est vide, en fait. Ouais. Il n'y a absolument rien, à part une espèce de gros rideau qui est dans le milieu. Ouais, comme pour se changer. Là, tu te dis, ah, c'est okay, l'essayage. Fine, tu sais, je vois... Je vais voir je vais ouvrir ce rideau, tu t'en vas en arrière. Et quand t'en ressors, tu deviens Mario Bros. Ouais. Le premier. En 8-bit, ouais. Tu deviens Mario Bros. 8-bit en premier, puis version je vais te prendre un mushroom, NES. Puis c'est vraiment drôle. Puis là, il y a cette musique-là qui joue. Ouais, là, tu peux te promener n'importe où dans la pièce. Ouais. N'importe où, tu peux faire ce que tu veux, sauf tu peux pas t'en aller. Si tu t'en vas. Là, tu vois Mario qui... Il a comme son animation... Ouais, Mario, il a comme son animation où il meurt, puis il devient tout petit, puis les cours sont changés. Là, t'as le vrai Mario qui arrive, il fait... Ouais, c'est cool, c'est pas ça. Fait que c'est vraiment moi, cool. Moi, je trouve ça tellement le fun, tu sais, ça met un sourire aux lèvres. Ouais. C'est carrément un message aux fans, ou du moins... Tu sais, dans ce temps-là, la Super Nintendo, on s'entend, la NES était pas tant loin que ça. Donc, c'est juste comme... Une joke, tu sais, nous faire sourire. C'est le fun, ça. Nintendo sont bons là-dedans. Ah oui, c'est ça. Juste pour dire, gars, on se prend pas au sérieux, puis vous êtes en train de jouer un jeu vidéo, puis on a du fun aussi. Donc, et voilà, on va se faire un recap. Oui, la première, on a Ducati Mountain Railroad. And My Name's Bookie. Et Long Long Ago. Bonne écoute. Oui. We'll be right back. Bloc et... numéro 9. Ouais! 9. Avant d'entamer les chansons, j'aurais un petit fun fact, un petit trivia à vous faire. Un petit trivia, ben ouais. Oui, pourquoi pas? Saviez-vous on aime ça. Que dans la version japonaise du jeu, il y a au menu, dans la sélection menu, il y a un code à faire, tu fais bas, haut, droit, left, select, start et B. Puis ça va faire apparaître tôt dans l'écran. Mais. Tu sais qui est drôle, c'est qu'il dit, je vais traduire un peu. Hein. Il dit, ah, t'as trouvé le code secret. Bon, mais ben maintenant, on va prendre, on va regarder un peu ton statut. Waouh, rien a changé. Après ça, il dit, bon, mais ben, qu'est-ce qu'il y en a de tes points d'expérience? Oh, hein, rien a changé. C'est bien. Après ça, il dit, il dit, ça donne rien d'aller chercher pour d'autres codes parce que le résultat va toujours être le même. Puis il dit. Ça tout ton même. Ouais, c'est ça. Il dit je vais jouer, okay, je vais jouer avec toi autant de fois que ça, autant de fois que tu veux. Puis ça, ça dit Secret Code End. Dans le fond, c'est vraiment génial. C'est tôt qui te drôle carrément. Ouais, c'est ça. C'est très drôle. Tu peux jouer avec moi autant de fois que tu veux, ouais, mais je sers à fucking rien. Ouais, c'est wow. Ça. C'est comme moi. Wow, fais ce code-là, mais ça m'a rien servi. Ah, t'es génial, Toad. On t'aime, non? Ouais. Ah, non, moi, je suis seul. J'ai rien contre. D'autres personnellement, mais je trouve tellement que ce personnage-là est. À deux fois que tu y penses, quand. Ouais, ben. C'est un comic relief, il est tout le temps là. Ouais, mais il est vraiment intelligent. C'est comme. On dirait un chat, je sais pas trop. Il me fait rire, mais. Ah, mais, que, ah. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans tourne? Là est la question. Exactement. Là est la question. Fait que, comme première tourne, on a Slope. Slope, en fait, c'est quoi? C'est bon, c'est, Slope. Ouais, c'est après la place que t'aimes beaucoup qui est Booster. Ouais, là, je suis vraiment dessus, parce que je pourrais pas te demander. On t'est rendu à Booster, là? Non. On t'est rendu après Booster, là? Ouais. Oui. Mais en fait, ouais, c'est parce qu'après la tour de Booster, t'as une poursuite. Ouais, Tu cours après la princesse, puis... Ah, des montagnes! Ouais, ouais. C'est tellement génial, puis en fait, c'était comme une espèce de montagne fucking haute, puis en avant de toi, t'as les... T'as Booster avec Peach sur le dos. Puis ouais. T'as les Sniffits aussi qui sont là. Qui courent après. Ouais, c'est ça. Ils courent. Ouais, je pense qu'ils courent après. En tout cas, là, ben, il y a cette musique-là qui joue, puis il faut que tu montes. Puis des fois, mais oui, tu cours après parce que dans le fond, le but du jeu, c'est que toi, faut que tu te fasses attraper par les Sniffits. Puis quand ils viennent trop proches, tu sautes et tu peux jumper sur leur tête et ça te donne. Ouais, mais en fait, t'es rattrapé. C'est toi qui rattrape, tu sautes sur leur tête. Puis quand sautes sur leur tête, ben, eux autres. Ils voient plus, ils vont en arrière de toi. Mais maintenant, tu vois qu'ils reviennent plein. Ah oui, courent, c'est ça, c'est vrai. Ils courent, ils font comme lever le petit jupon, c'est vraiment drôle. Wow! Ça, je me rappelle de mais ça. Mais les Sniffits, je pense qu'il y a de quoi aussi. Tu peux les trouver dans le château, puis ça te donne un item aussi. C'était ouais, toi qui m'avais dit ça. Il me semble que oui, je pense que ça fait ça. Ça fait de quoi quand tu trouves toi? Parce que je me souviens que t'essayais d'en trouver une couple, puis c'est vrai qu'il y en avait qui étaient cachés dans le château de Booster, mais. Ouais. En tout cas. Il y a même un Sniffit 4 qui est caché quelque part. Ouais, Mais, ouais. En tout cas, parenthèse. C'est sur parenthèse. Puis il faut que tu cours. Faut que tu ailles toucher à la princesse qui est sous le dos de Booster. Puis quand tu réussis, elle te donne une fleur. Ouais. Les fleurs là-dedans, mais ça te donne. Ça augmente ton maximum de points de MP. Des points de magie. Fait que tu sais. Puis t'as des tonneaux aussi. Les tonneaux, quand tu sautes dessus, ça te fait avancer, évidemment. Ouais. Mais si tu le rates, tu vas. Tu vas reculer un peu. Mais les Sniffits, c'est vraiment celui-là qui est important. Si tu réussis à sauter sur un Sniffit, tu vas vraiment avancer. Ouais, exact. Mais ça, c'est comme. C'est quasiment un bonus stage. C'est quasiment un bonus. Si t'as pas de fleurs, c'est pas grave. C'est pas dramatique, ouais, mais en même temps, c'est vraiment une espèce. C'est un mini-jeu. Là. C'est un peu comme quand on sort des mines, quand on est avec le petit karting à la Donkey Kong. C'est vraiment. Ils ont voulu changer littéralement. Ils ont voulu augmenter le nombre d'interactions du jeu, tout ça. Parce qu'à la fin, ils te disent c'est quoi le nombre de fleurs que t'as eu. Ouais. Puis plus tard, tu peux la refaire, puis je pense améliorer ton score, mais pogner des Frog Queens aussi. Exact. Sans avoir les Sniffits. Non, je pense que les Sniffits, ils reviennent juste pour te troller. En tout cas, je sais pas trop. Ah, mais c'est vraiment cool. Ah, c'est vraiment une belle, cool. belle partie du jeu. Yes. Et c'est la fin de Booster, malheureusement. Ouais. Là, on était, là, c'est ça, c'était Slope. Après ça, on a Mary, Mary Bell's Ring. Ouais. Ben, on a dit que c'était la fin de Booster, mais c'est juste la tour en tant que tel. Mais là, parce que Booster, il est encore présent. Il est encore présent, oui, oui, oui. Et là, lui, Booster, écoute, il a une idée en tête, là. Ouais. Lui, il veut marier à Princess Peach, là. Ouais. Il est décidé. Ah ouais, il va faire tout ce qu'il faut pour la marier. Ouais. Et c'est là, je pense, qu'on retourne à, on retourne à Mushroom Kingdom, donc le château du début. Non, non, non, c'est pas le château du début. Ah, c'est, non, non, non. Je ne sais pas du nom. Je sais qu'on s'en va dans une cathédrale. Ça, je m'en souviens très bien. Je me souviens pas du nom de la ville, mais ben juste, c'est pas ça, mais Mary, je sais pas trop. Puis là-dedans, c'est vraiment pas grand. Tu peux t'aider une place, parce qu'il y a une espèce d'auberge, parce que tu peux avoir une suite de luxe, je sais pas oui, si t'en rappelles. Oui, oui, oui, oui, on l'avait fait. Ouais, puis, tu payes un certain montant. 200, c'est 200 dollars, c'est très cher. Mais tu peux prendre un spa, je me trompe pas. Quand tu payes ton montant, quand tu payes, déjà là, il donne une flower tab, je me sens. En fait, les flowers, juste pour parenthèse, flower tab, mm-hmm. ça donne un de Magic Point. C'est un flower jar qui en donne 3, puis t'as un flower box qui est 5. Puis je pense que c'est un flower tab. En tout cas, une fois que t'es dans la suite. Là, c'est ça, tu peux caller appeler un taux là, pour qu'il vienne te servir. Là, et, t'as une espèce de. Je pense que t'as une espèce de spa. C'est ça. Puis, ce qui est drôle, c'est pour le spa, c'est quand tu rentres dans le spa, t'en ressors, Mario, il est vraiment très fucking rouge. Ouais. Puis, tu sais, c'est juste drôle. Puis, je pense qu'il y a une serviette. Ouais, il est pas habillé, tout ça. C'est juste drôle. Je pense qu'il est habillé, je pense. Ouais, en tout cas, mais il a la face rouge. Ouais. C'est vraiment drôle. Puis, ce qui est drôle, c'est quand tu calles, quand t'appelles le taux, puis là, il vient te voir. Puis là, avant de partir, c'est marqué, t'as-tu du type, tu sais. Puis ça fait comme une pensée, genre, tu vois qu'il veut du type, il veut même une dième, tu sais. C'est très ouais, c'est ça. Puis c'est là, je pense qu'il te donne une dème, je pense. Non, ouais, je pense qu'il te donne de quoi, je sais pas. Mais la suite, à part pour avoir la Flower Time, ça sert pas tant à grand chose. Non, non, non. Ben évidemment, tu sais, quand. Je pense que là, t'as Bowser qui est dans ton équipe à ce moment-là. Ouais. Tous tes équipiers, tu sais, ont leur point de vie. T'sais, comme quand ouais, tu t'en vas dans une auberge ou ouais. comme n'importe quelle auberge. Je veux juste spécifier quelque chose. Je viens de penser à ça. Je viens de dire Bowser dans notre équipe. Ouais, c'est le seul jeu au monde que Bowser est dans ton équipe. À l'époque, c'était kind of a fucking big deal, okay? Ouais. Parce qu'on s'entend que Bowser a toujours été l'ennemi juré de Mario. Et là, ils ont intégré carrément une histoire où ce que là, on vient qu'on on se bat à ses côtés pour sauver son château. Ouais, c'est vrai, c'est là, c'est dans le début de Booster qu'on le voit. Et oui. Là, il dit, bon, ben, je vais toujours nettoyer, mais tu sais, pense pas que c'est pour. Pense pas que c'est, hein. Ouais. C'est juste c'est parce qu'il est tellement orgueilleux, c'est juste pour. Il veut pas admettre qu'il est pas capable de sauver la princesse, d'avoir la princesse. Il veut pas s'allier à son pire ennemi. Ouais. Parce que, bon, par orgueil, mais il a pas le choix. Pour atteindre. Pour sauver son château, tu sais. Puis, c'est drôle parce que Bowser, dans le fond. La série de Mario RPG, on n'a plus vraiment entendu parler. Mais dans Mario & Luigi, le dernier jeu de DS de Mario & Luigi qui a sorti s'appelait Bowser Inside Story. Ouais. Puis, en tout cas, parenthèse, ils ont juste comme étiré, ils ont juste rehaussé ça au next level, là où on joue carrément Bowser, mais en solo. Tu sais, puis là, je me disais, à l'époque au DS, je me disais, crème, c'est vrai que c'est débile, on joue Bowser, mais carrément. Puis on est capable d'interagir. Puis Mario et Luigi sont à l'intérieur de Bowser. Puis les deux interagissent. Puis ça, puis c'est vraiment malade. Puis t'as des mini-jeux. Puis tout ça. Puis se sont vraiment basés là-dessus, probablement. Ou je sais pas. En tout cas, c'est hot. C'est vraiment hot, là, honnêtement. Ouais. C'est. En tout cas, une autre parenthèse. Bowser Inside Story, si vous avez jamais joué à ça. I'm looking at you, Dominique Jean. C'est hot, hein? Sacrément. Pardon? Je vous en prie. Yep. Mais pour revenir au mariage. Fin des trois parenthèses. Fin des trois parenthèses. En fait, c'est ça. Booster, il veut se marier, puis il faut que Tain en empêche. Ouais. Puis, ce qui est drôle, c'est que. Parce que le boss, c'est un gâteau. C'est un maudit gâteau. tu peux voir le gâteau juste avant qu'il soit fait. Tu t'en vas dans le sous-sol de la cathédrale. Ouais. De l'église. Je sais pas comme on veut. Puis. Tu vois les deux cuisiniers, là, c'est comme des Allemands. Là. Parce que c'est la manière dont ils parlent. Tu peux piler. Ils ont un accent. Ouais, ils ont un accent. Tu piles sur le gâteau. Là, ils font. Va, get off. En tout cas, je sais pas trop. Il dit va. Je sais pas ce qu'il dit quoi, you fool. Genre, ouais, là, non, c'est ça. Non, c'est vraiment nice. J'irai pas chercher ça, mais non, c'est vraiment cool. Puis c'est drôle parce que, tu sais, ces deux chefs cuisiniers là, tu sais, ils font partie littéralement du fight. Tu sais, quand c'est ça. À un moment donné, donc dans la cathédrale, seul le mariage se passe. Mais avant ça, tu te rappelles-tu? Quand on défonce les portes. Là. Oui. Faut que tu sois timé. Au début, tu défonces la porte. Même le sniffet, il dit ah ouais, défonce la porte avec nous. Là, tu sais, faut que tu sois en même temps. Faut que tu sois timé en même temps que lui. Faut que tu ailles vers la là, porte. Là, t'avances, puis là, bang. Ouais. Tu pis défonces là, la porte. Puis là, t'as la deuxième avec Buzzer. Il dit bon, ben ça me prend moins pour celle-là. Fait que là, tu vois qu'il fait comme de même avec ses doigts. Puis là, qu'une fois, il te fonce dans la porte. Puis là, quand tu défonces la porte, ben c'est là que tu vas plaquer tout le monde. Puis là, tous les bijoux de la princesse sont répartis dans les églises. C'est ça. Puis il faut que tu les trouves le plus rapidement possible. Et la couronne est sur la tête de Booster. Ouais. Qui est comme la dernière pièce des bijoux. Mm. Ah non, c'est tellement hot comme moment, tu sais. C'est ça. Puis tu confrontes le gâteau après ça. C'est ça. Puis, c'est drôle. Puis pendant la cérémonie, un moment donné, t'as comme un goût qui dit hey, Booster! Je pense que le gâteau, il bouge. Là, tu sais, Booster, il est comme... T'es sûr? C'est pas pendant qu'on se bat avec. Ouais, ben c'est ça, c'est pendant qu'on se bat avec. Mais Booster, il est pas présent quand tu te bats avec. T'as le gâteau au milieu, pis t'as les deux petits culs à côté. Mais je sais qu'il y en a vraiment un qui dit à Booster, je pense que j'entends quelque chose. Ou en tout cas, peut-être pis, c'est à l'autre minionne ou l'autre fait, chef. Ouais, Booster, il... Puis il dit, voyons, c'est ce que tu dis là, toi. Ah ouais. Là, finalement, le gâteau, il bouge vraiment, puis il est vivant. Ouais, c'est là. Pendant le combat, maintenant, tu sais, tu... Je pense que faut que tu fasses sur le gâteau parce que ça donne rien de faire ses petits culs. Puis à un moment donné, tu vois le gâteau qui bouge. Puis là, tu vois l'autre qui poke l'autre. Puis il dit hey, t'as pas vu le gâteau qui vient de bouger. Il fait, non, ouais, tu fais là, toi, dévire-toi. Puis combat Mario. Ah, c'est là, ça. Un moment donné, après deux, trois fois, là, un moment donné, il se rend bien compte que le gâteau il bouge. Puis là, il respire. Puis ils font tabarnak. Là, ils se sauvent. C'est vraiment nice. Ouais. C'est tellement drôle. Comme, c'est comme le gâteau en tant que tel, il est pas tant. Ben, il me semble qu'il est pas si facile. Il est quand ça. Même, je pense. Il est long, mais il est pas dur. Il est juste long. Ouais. C'est un combat qui est assez long à faire, mais qui se fait bien overall. Ouais, après ça, t'as Booster qui bouffe le gâteau. Puis tout rond à la fin. C'est très drôle. C'est tellement hot. Ah non, c'est nice. Écoute, on est emporté par la nostalgie, mais on va continuer. Ensuite, en troisième position, on a The Starlight Flower Blossom on Star Hill. Ouais, c'est assez long comme titre. C'est assez long comme titre, là. Ouais. Hein, rendu là. Après ça, pour aller là, ça, faut savoir, moi, ça m'a pris du temps. Faut que t'ailles voir Chosebin de Malo, là, sa grenouille là, avec la barbe. Ah oui, oui, son père adoptif. Son père adoptif, faut que t'ailles le voir, puis là, il fait juste te dire deux, trois phrases... Pas qu'il y a de quoi à Star Hill, pis là, tu peux y aller. Ouais. T'sais, là, faut que t'en viennes, mais ça m'a mais tellement c'est pris con, du temps. Là, c'est ça, c'est. Mais comment tu sais qu'il faut que t'en retournes? Ben, je pense qu'ils doivent le dire à quelque part, mais. Ouais, mais quand j'étais jeune, je comprenais fuck all la langue. On s'entend qu'il faut que tu lises, pis faut que tu cherches, pis faut que tu gosses, là. Ouais, c'est ça. Comme dans ton RPG, mais c'est ça. T'sais, t'es jeune, pis. T'sais, c'est un peu nébuleux, là. Ouais. Ouais, bref. Mais c'est ça. Puis là-dedans, je pense que c'est la seule place que t'as un étoile qui est gratis en tant que tel. T'sais, t'as des portes à franchir, t'as des espèces de fleurs qui te permettent de les ouvrir. C'est ça. L'étoile descend comme du ciel, tout ça, puis Mario l'attrape, je me trompe pas. Ouais, suite après avoir battu... En fait, il n'y a pas de boss là-dedans. Non, c'est ça. Quand tu te rends au bout... Je me trompe. Quand tu te rends au bout, tu vois mener la fleur de l'étoile qui est au loin, puis... T'as point, puis ça, c'est tout. Puis c'est plus tard que Gino t'explique le pourquoi du comment de ces étoiles-là. Ouais, exactement. Voilà. Hey, on se fait-tu un petit recap? Oui, monsieur. Fait qu'on a Slope. Après ça, on a Mary Bell's Ring. Ouais, il est touché, lui, le E puis le A, là. Vous pognez la bonne prononciation, mais good job. Ensuite, on a The Starlight Flower Blossoms on Star Hill. Oui, monsieur. Thank you. Et on est de retour pour le dixième bloc. Le dixième bloc. Yes, oui. Toujours dans cet univers fantastique qui est Super Mario RPG. On a Sunken Ship comme première chanson. Oui. Sunken Ship, en fait, si je me trompe pas, là, on a passé un bout que moi, dans mon enfance, comme j'ai dit, je pense, en première partie, moi, ce bout-là, à partir de là, c'est là que j'ai arrêté de jouer. C'est là que t'as bloqué, je pense, aussi. Oui, oui, oui. Puis là, on parle vraiment de... Bon, ça, c'est vraiment dans... si je me trompe pas, c'est dans le bateau en tant que tel. Le bateau hanté, si je me trompe pas. Oui. Moi, j'ai trouvé ça... Je pense parce que je mourais trop souvent ou... j'avais comme plus la bonne tactique. C'était vraiment trop dur, ben, les ennemis. Rendu dans le bateau, c'est tough. Puis ouais, vraiment. Moi, l'équipe que je prends, ben Mario... Ben, Mario n'a pas le choix de l'avoir, évidemment. Mario, Malo, puis je prenais Geno aussi, ou peut-être ou Bowser. Mais t'as-tu Peach rendu là? Est-ce que t'as Peach? Je pense que oui. Il me semble que oui. Oh oui, oh oui, on a Peach. Moi, c'est vrai, Peach a joint à toi après le mariage. Ouais, après le mariage. Ouais, oui, on a Peach. Oui. Ouais. Je pense que Peach, je la prenais, me semble, ou ben Geno. En tout cas, parce que Malo, là-dedans, sa magie d'éclair, c'est vraiment pratique. Ça, tu fais ça souvent, il y a beaucoup d'ennemis là-dedans, puis tu fais ça avec le coup timing, puis ça bute pratiquement n'importe quoi. Le bateau, là, parce que moi quand j'étais jeune, écoute, il fallait que tu comprennes l'anglais, parce que là-dedans t'as des énigmes, t'as certaines pièces plus loin, t'as comme des espèces d'épreuves à faire. Ouais. Tu sais, au début t'en as un, faut que t'as comme des canons, puis faut que tu pèses la switch pour qu'ils s'alignent au bon moment pour faire tomber un espèce de petit parchemin qui donne une lettre, une fois qu'il donne une consonne, puis il donne un indice. Puis t'as plusieurs affaires là-même, t'as mené dans t'en as un, c'est un espèce de casse-tête en trois dimensions. Pas casse-tête, mais un labyrinthe en trois dimensions, pis ça c'est chiant. Ah ouais. Tu sautes partout, pis tu casses, pis tu casses, pis tu casses. C'est un labyrinthe là, je pense que du moins, tu sais, quand on demande au monde c'est quoi ton bout que t'as eu le plus là, dans Mario RPG, lui qui revient le plus souvent, c'est cette stiche de labyrinthe. Ah ouais, ça c'est de la chine. C'est tellement de la merde, parce que voyez-vous, de ce que j'ai vu, pis c'est toi qui m'as joué dans la face. À ce moment-là, tu me l'as fait devant mes yeux ébahis. Et ce que j'avais remarqué, c'est que l'isométrie de la 3D, de la manière comment que c'est fait, c'est tellement pas évident à spotter où ce qu'il faut que tu sors. Parce que c'est comme carrément un gros casse-tête, un maze, un labyrinthe, mais ça se passe en dessous de... Je sais pas comment décrire ça comme faux, là. Peut-être que tu vas trouver les meilleurs mots pour... Ouais. pour Ben, en fait, c'est dur à dire. Parce que t'as comme... je sais que pour me repérer, tu peux... Ils disent, tu pèses tel piton, puis tu peux faire give up, tu sais, à un moment donné. Puis quand tu fais ça, ben... Quand tu choisis rien, tu vois ce que Mario y est. T'sais, tu vois ton Mario qui apparaît, puis là, il flash. Puis ça te dit, veux-tu arrêter? Ben moi, je me servais de ça pour voir ce que j'étais. Mais c'était dû. C'est un peu la serre. Tu sautes un peu partout, maintenant, hop, okay, là, tu montes là, tu vas là. C'est chiant, mais maintenant, il faut que tu gosses à un moment donné, tu vas l'avoir. C'est ça. Non, c'est ça, ça fait partie. La difficulté de ce jeu-là, on s'entend, c'est un jeu de rôle. Là. Les jeux de rôle, c'est rare, c'est bien dur. Tu sais, mettons, à part une énigme, mais c'est ça, c'est vraiment des énigmes comme ça qui faisaient bloquer le monde. Puis c'était pas facile ce bout-là. À la fin, il y a rien que j'arrêtais là non plus quand j'étais kid. Puis à la fin, le code, c'est Pearl. P-A-R-L-S. Pearl, en fond, parce qu'à la fin, il faut que tu fasses. Faut que tu récapitules tous tes indices. C'est vrai, faut c'est que tu vrai, fasses vrai. Le mot pour avoir le mot de passe. Puis d'ailleurs. La clé, t'as dit. Puis d'ailleurs, après ça, t'as un boss fight. Ouais, tu bats avec la grosse pieuvre. C'est pas les requins. Non, c'est après ça. Ok, non, c'est vrai, c'est tu la grosse tu pieuvre. Tu bats la pieuvre. Puis plus tard, après ça, tu vas battre. Tu combats Johnny puis ses disciples. Ouais, c'est vrai. Puis tu fais un contre un, tu fais Mario contre Johnny à un moment donné, ça c'est vrai. Ah, c'est facile, l'espèce de duel. Ouais, non, il est pas dur, mais c'est parce qu'en fait, Johnny, plus tard, on vient que. Il nous aide, t'sais, il nous redonne la main. C'est quelqu'un d'honneur, t'sais, il est vraiment... Ouais, lui, il dit, regarde, t'as gagné, tu m'as battu, puis t'as fait ça selon les règles, fait que tu mérites mon respect, tu mérites mon respect, puis je t'adonne, t'sais, puis c'était à moi à gagner. Parce qu'on va faire la liaison, on suit-tu avec la prochaine tune? Oui, on va y aller, oui, pas trop. Okay. La prochaine, c'est Going Shopping in Seaside Town. En fait, cette tune-là, ben, ça, c'est la version joyeuse. Parce qu'au début, quand tu rentres dans ce vide-là, c'est pas ce tune-là, c'est RR Some Weapons qui joue. Mm-hmm, ouais, c'est parce vrai. Que quand tu rentres la première fois dans ce tune-là, cette ville-là, c'est vraiment louche. Et le monde, ils sont tous stressés, puis ouais, ils vrai. Bougent vite, puis ils disent presque rien, puis tu te demandes ce qui se passe. Ouais, quand tu sors du bateau, t'arrives du bateau, là, t'arrives dans la ville. Là, ils disent, toutes les villes, les personnes louches t'attendent à l'entrée, puis ils disent, bon, ben là, donne-nous l'étoile sans faire de discussion, puis ils vont rien arriver. Si tu leur donnes pas, ils vont aller torturer, je pense, le chef de la ville. Puis, ouais, en gros, c'est ça. Parce que si, admettons, si tu le donnes pas tout de suite, ils vont le torturer, puis tu vas avoir une moins belle récompense. Oui, c'est vrai. Puis quand tu l'avais fait chez nous, moi, j'avais fait un test. Tu l'avais pas fait tout de suite, je pense. Moi, j'avais testé. Parce que si tu le donnes tout de suite, sans refuser, le maire, quand tu vas aller plus tard, quand tu vas battre le boss, quand tu vas aller voir le leader, il va te dire merci de nous avoir sauvés, puis tiens, il te donne un flower box. Si tu dis non, il te dit ah, ils m'ont torturé un peu, puis il va donner un flower jar. Puis si. Je pense que tu peux encore, si tu fais deux fois, je pense que ça peut aller jusqu'à un flower à table. Là, fait que t'es aussi bien de lui donner puis pas discuter. Puis en même temps, ouais, c'est ça. C'est l'item va en conséquence. Donc, ouais, c'est ça. Parce que quand t'arrives, t'as un boss à battre, quand les autres y arrivent pour se sauver, ben là t'as Johnny qui a reçu, puis qui lui dit hey, c'est cette étoile là, c'est à Mario, il m'a battu. Pis ouais, pis, c'est ça. Ordonnez-y. Il a gagné. Puis là, finalement, ouais. T'aperçois que ces imposteurs-là, ils travaillent pour Smithy, tu sais. Ceux-là qui ont pogné le château à Mozart. Puis là, ils se transforment en France, c'est Yankovic, je sais pas, trop, il y a un nom assez bizarre. Puis c'est ça, c'est foutu bas du boss-là, puis là, après ça, t'as l'étoile. Ah, on sait. En question. C'est très hot. Après ça, on a My Paradise, Monstro Town. Ah, ça, je pense que tu l'aimes, l'un de tes préférés. Je pense que c'est un de mes places préférées, parce que Monstro Town, c'est comme la ville des monstres, mais c'est comme les monstres pacifiques qui sont. Et moi, je t'ai curé de me battre. Ouais, viens, t'as Mario, on va jaser. Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. C'est vraiment une ville pleine de monstres qui veulent pas se battre. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai vu. Ouais. T'arrives là, puis il y a vraiment toutes sortes d'affaires. C'est comme amener une espèce d'ennemi. Ben, c'est tous des ennemis que t'as rencontrés. Là. Puis t'en as un, c'est comme une espèce de ventilateur. Puis là, tu peux le mettre plus fort, tu peux le baisser. C'est très drôle. Mm. Il y en a un, c'est un coffre. Puis le coffre, lui, il dit les coffres cachés dans le jeu. Parce que dans le jeu-là, des fois, quand tu sautes, t'as un coffre qui pop, qui est caché. Fait qu'il dit ceux-là qui te restent. T'en as un aussi qui dit les sauts que t'as fait. Puis d'ailleurs, s'il y a un fun fact là-dessus, parce que dans ce jeu-là, quand tu fais la magie, l'attaque spéciale. Ouais, l'attaque spéciale, jump, ouais. Si t'en réussis 30, puis tu vas avoir lui, t'as un item. Puis si t'en réussis 100, ce qui est fucking dur, ça prend un bon timing, il donne la super suit. Puis la super suit, ben, c'est un affaire qui. Vraiment surpuissant, ça augmente les stats au fond. C'est pas un des sauts les plus forts du jeu. Je pense que oui, je pense que tu donnes ça. Je pense que c'est juste pour Mario. Mm. Puis ça augmente ses stats de manière considérable. C'est assez débile. Eh ben. Puis là-dedans, écoute, il y a pas mal d'affaires à dire. Tu rencontres Jinx qui est rendu le professeur, un sensei un ancien de la troupe à Bowser. Un espèce de petit Koopa. Puis faut que tu te battes contre Jinx, puis si tu le bats trois fois, lui, il est tough en sac. La troisième fois, je me rappelle, j'étais pas supposé de le battre là, mais je me suis dit, oh, ça va être long, mais je suis capable. Il te fait des attaques de fou, ce qui peut te tuer d'un coup, puis ils sont durs à bloquer, mais moi, je suis capable de le battre. Puis il donne un Jinx Belt à la fin, je pense que c'est vraiment fort. Après ça... Puis tu deviens comme le champion sensei là-dedans, là, c'est drôle. Ouais, exactement. Fait que. Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Après ça, on va enchaîner avec d'autres choses aussi. Ouais, c'est ça. Parce que le prochain bloc, il a rapport un peu à Goromon Strotan aussi. Ah, ok. Fait qu'on va se garder. Donc, on se fait un recap. On a Sunken Ship en premier. Après ça, on a Going Shopping in Seaside Town. Et on termine avec My Paradise Monstro Town. Oui. Bonne écoute. Oui. Thank you. Et on enchaîne dès maintenant avec le bloc numéro 11. Dom, je te laisse. Écoute, moi rendu là, je laisse le show à Dom. Dom, il fait bien ça en tabarnak. Ouais, rendu là, tu l'as jamais fait. Moi, je l'ai jamais fait. C'est sûr que je mentirais pas, par contre, que j'ai vu des vidéos, des séquences sur Internet. T'sais, c'est sûr que ça fait des années que le jeu existe. Et surtout parce que j'avais su qu'il y avait... en fait, c'était comme une rumeur sur le jeu, mais bon, pas une rumeur. Plus comme un petit coco de Pâques. Oui. Concernant un boss qui avait une musique très spéciale. Ouais, en fait, le bloc est consacré à Culex. Culex, c'est qui? C'est un boss un peu comme caché que tu peux aller battre dans Monstro Town. Puis, pour l'avoir, ça prend... je pense que ça prend une espèce de shiny... La shiny stone que tu peux trouver. En tout cas, c'est un autre ville. C'est une autre quête que tu fais avant. Ça. C'est un autre processus. Puis pour avoir la clé, faut que tu parles 4-5 fois de suite au espèce de stump, là, lui qui fait des booms là, dans la ville de Monstro Town. Okay. Mais dans le fond, la première, justement, c'est conversation with Kulek. With Kulek. Conversation with Kulek. Et en fait, ce tome-là, c'est carrément la prélude de Final Fantasy. Non, c'est ça. Puis ça, c'est un peu la marque, la signature à Nobuo là-dessus. Ouais, c'est vrai. Eh ben oui, parce que c'est ça, c'est la musique de Final Fantasy. Ouais, principalement. C'est ça. Fait que puis Culex, c'est qui, puis avant de le rencontrer, c'est comme dans Final Fantasy, tu vois une espèce de background de d'arrière-plan un peu sombre. Là, tu vois Culex qui arrive, mais son sprite est pas comme Mario, là. Il est comme dans Final Fantasy. Ouais, là, il te parle, puis je dis "Oh, je suis un guerrier je sais plus comment il dit ça, là, je suis un guerrier tel monde, puis là je cherche un adversaire de taille, veux-tu te battre, puis tu te bats." Mais ce qui est spécial avec Culex, qui on va suivre avec ça, qui est la Fight Against Culex. Exact. Il est plus dur que le boss de la fin, Culex. Ouais, il est vraiment tough. Si t'as pas l'équipement nécessaire, tu vas te faire rincer, mais solide. Toi, Dom, étant un hardcore gamer, un hardcore genre de gars qui va aller dans une place, même s'il est pas supposé d'aller, est-ce que tu l'as vaincu, Culex? Ouais, souvent. Mais même au début, là. Je m'en rappelle pas. Okay. Je m'en rappelle pas. J'ai peut-être essayé, mais je me suis fait botter le cul. Mais parce que ce qui arrive, c'est qu'Unix, t'as lui qui fait des attaques. Lui, il fait des attaques physiques, puis il fait une espèce d'étoile comme Malo. C'est la dernière magie, puis ça fait full fort sur une personne. Mais ce qui est spécial, ce qui est dur, c'est qu'il y a des cristaux de différentes couleurs, puis chaque cristal a des magies, puis il fait vraiment fort. Puis quand Unix attaque, il attaque comme. En tout, c'est en 6. Fait que quand il attaque 6 fois de suite, je pense. Ou presque. En tout cas, je sais pas si c'est ça attaque en même temps. Ouais. Mais chacune doit effacer plus fort les unes que les autres, etc. Ouais, c'est ça. Puis, mais si t'as la combinaison idéale, ce qui t'a dit Mario, j'avais Mario, Malo, ou Peach, ou bien Mario, Gino, Peach. Mais si t'as Peach, t'es correct parce que. C'est une bonne healeuse. Parce qu'elle, elle devient un tank parce qu'à un moment donné, je pense que justement, c'était dans Rose Town, tu trouves à mener une graine que tu peux faire pousser, puis tu vas chercher la Lazy Shell, qui appelle. La Lazy Shell, t'en as deux. T'en as une, c'est une arme pour Mario, c'est une espèce de grosse carapace rouge avec des petites ailes. Puis l'autre, c'est une armure. Pis l'armure, mets la à Peach, puis tu passes le jeu dingue. Parce que. Elle encaisse tout, t'as perdu rien. Fait que tu fais des groupes hog, là, puis tu heal quasiment tout ton party au complet. Ouais, avec elle qui heal, qui encaisse. Ouais, c'est ça. Fait que c'est contre Culex, il en devient quasiment facile. Mais si t'as pas ça, tu vas te faire avancer. Il est pas facile. Puis la musique, justement, c'est Fight Against Culex. C'est carrément elle de Final Fantasy 4. En fait. Ouais, exactement. Ouais. C'est un tune de boss. C'est ça qui est fantastique. C'est vraiment cool. C'est vraiment nice. Puis ben, la fin, la dernière, c'est carrément la victoire. Victory over Culex. C'est très court. On s'entend, c'est une des chansons les plus connues, je pense, dans l'univers Final Fantasy Geek. Tu sais, n'importe qui a entendu. Ouais, c'est le fanfare qui appelle, je pense. Fanfare de la victoire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le fanfare de la victoire, non. Culex, il n'est pas à sous-estimer, je l'aime vraiment. Non, c'est cool, puis je trouve ça nice qu'il quand même inclus ça parce que, tu sais, c'est un beau petit clin d'œil à Final Fantasy de 1. Puis, tu sais, on s'entend, 6 cristals, tu sais, on essaie souvent de sauver des cristaux dans Final Fantasy. Fait que c'est un autre beau petit clin d'œil à la série, tu sais, on s'entend, donc, à l'association. Mais je pense, je suis pas certain, mais si tu butes Culex avant ses cristaux, les cristaux, ils crèvent avec lui. Je pense que t'es mieux de varger Culex. Il me semble que t'es pas obligé de varger les cristaux. Je pense que tu varges Culex, puis les cristaux, ils pètent avec lui, je pense. OK, parce que d'habitude, quand il y a souvent des autres, justement, comme les cristaux, tout ça, t'as souvent, en premier, il faut souvent juste comme buter les cristaux autour, parce que soit qu'ils guérissent vraiment le boss intense, ou soit que... Ouais, c'est vrai, peut-être. Ils vont faire une attaque, là, genre, tu sais, des fois, ils... Comme à Chrono, ça fait à ça. À Chrono, tu sais, c'est ça. On s'entend, mais Lavos, lui, il faut tout le temps que tu butes ces espèces de minions autour, tu sais, ouais, mais c'est pas tout le temps comme ça. Je pense que tu peux t'attaquer avec Felix directement, mais je m'en rappelle pas. Bref, il est pas facile. Bref, il faut que vous soyez préparé parce que ça vrai. En tout cas, ça a pas l'air facile. Puis honnêtement, j'ai vu des vidéos sur YouTube là. Il va. Ouais, il va fort. Faut que vous soyez bien équipé. Donc et voilà. Écoutez, je vais vous faire un recap très rapide parce que c'est quand même un bloc qui est pas long non plus. On a conversation with Culex, fight against Culex et victory over Culex. Bonne écoute. Ouais. Bloc 12. Donc, hey, écoute, en première position, je vais vous le dire, tiens. J'adore ça, c'est... Let's do the Fuka Fuka. Yes. Hey, ça, c'est un bout que j'aime beaucoup dans le jeu. Ça, c'est quand t'es en... Là, c'est là que tu vois les nuages. OK. C'est là que tu vois... Ah. C'est là, c'est la ville à Malo. Ben, oui, c'est la ville à Malo. Ouais. Ben, en fait, les origines, on peut dire, de Malo. C'est là qu'on va voir d'où ce qui vient. Là. Ouais, c'est ça. Puis là-dedans, t'as un palais, entre autres, qui est dominé par une espèce de princesse là, avec des gros tétons, puis tu sais, qui... C'est très drôle. Une douche girl. Ouais, une douche girl. Elle fait des selfies avec un bec de canard. Ouais. Mais ce qui est spécial, c'est que là, pour rentrer dans le palais, tu te fais. Faut que tu ailles voir quelqu'un dans un magasin, puis faut que tu te fasses passer pour une espèce de statue dorée, tu sais. Une statue d'or, en fait. Puis tu vas voir la personne en question, puis il va comme te peinturer en or, en fait. Tout en oui, or. Hey, j'ai déjà vu ce bout-là. Oui, c'est. Sur le net, là. Ah ouais, c'est malade, t'sais. Ouais, puis après ça, je me suis. Puis. Une fois que t'es tout peinturé, là, le marchand en question, il s'en va à l'entrée du palais. Puis, gars, j'ai une nouvelle livraison pour la princesse. Comment ça s'appelle? C'est Margarita. Puis, c'est ça. Là, tu t'en vas là. Puis là... C'est qu'un nom. Qu'un nom, hein. Puis, c'est ça. Là, tu t'en vas dans le palais. Puis, à un moment donné, là, tu te ramasses comme sur un piédestal. Je sais pas trop. T'es comme exposé. Puis, c'est ça. Pendant un bout, tu peux pas faire grand-chose, tu suis les conversations, puis à un moment donné, Margarita, elle a une espèce de mignonne, un garde du corps qui s'appelle Dodo. Puis Dodo, c'est une espèce de gros oiseau avec un casse à la tête, là, vraiment gros. Puis ça, c'est vraiment cool, parce que à un moment donné, t'as toutes les statues qui sont alignées de même, sont alignées ben, en ligne droite, puis toi, t'es au fond, je pense, en tout cas. Puis là, Dodo, il va faire des tests, puis il va... Un peu comme la scène des rideaux dans la Booster. Il va cogner toutes les 2-3. Enfin, il va toutes cogner les statues une par une pour voir si c'est correct, s'il n'y a rien d'anormal. Puis là, une fois que t'es rendu à toi, il faut que tu sautes. Puis là, il passe tout droit, puis il cogne l'autre. Puis là, il revient. Puis là, il se réessaye, puis tu sautes. Fait. Mais tu sais, il est comme innocent un peu. Il est un peu nono. Il sent pas sa peau. Là, il revient. Il refait la même affaire. Mais il fait comme un peu les sniffets. C'est que plus ça va, plus il va vite. Puis là, à un moment donné, il s'aperçoit, mais c'est comme, voyons, ça bouge, je sais pas, tu sais. Je me souviens plus trop. Il allume pas de suite. Ouais, là, c'est il, ça, tu sautes. Il est pas bien, bien vite. Puis à un moment donné, il a peur, je sais pas trop, puis il se sauve. Fait que là, okay. Puis je pense que, ouais, une fois que c'est sauvé, là, tu peux bouger, puis tu peux continuer. Mais je sais pas si c'est que ça fait, je me rappelle pas si tu pognes. Si tu pognes deux, trois fois, je pense qu'il faut que tu le battes un peu. Puis c'est pas là que tu le bats définitivement. Je pense qu'il faut que tu te battes avec. Si je me rappelle bien. OK, puis après ça, j'imagine que là, il se sauve. Là. Ouais, exactement. Comme prévu. Parce qu'on s'entend, la deuxième chanson annonce déjà quelque chose. Là. Je pourrais pas dire exactement. Ouais, c'est ça, parce que... Ouais, c'est vrai, excuse. Non, il y a pas de problème. On a Margarita et Dodo Scamp. Ouais, c'est comme deux tunes pour suivre. Ouais. Au début, on a Margarita, puis il va avoir Dodo. Dans le fond, c'est comme... Il y a comme cinq tunes dans ce bloc-là. Ben oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour... L'histoire, c'est ça. T'as Margarita, pis t'as Dodo's Coming. Pis Dodo's Coming, c'est ça que je parlais tantôt. C'est la petite scène avec les statues. Scène, c'est très cocasse, c'est vraiment drôle. C'est cool. Pis Margarita, ben, ça sonne un peu comme une espèce de palais. Là. C'est, quand tu l'entends rire en arrière, c'est très drôle. C'est nice. Très nice. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, comme je te dis. J'ai seulement vu des photos. Ouais. Mais c'est cool, de toute façon. Ça a vraiment de l'air nice. Pis après ça, on a. Les deux dernières, pas dernières du bloc, on a Barrel Volcano, puis The Axiom Rangers Drop-In. Fait que, dans le fond, le Barrel Volcano, c'est après que tu battes Margarita. Puis ce qui est drôle, parler de Margarita, c'est que ce combat-là, c'est complètement innocent. T'as elle, puis t'as Dodo, puis des fois, Dodo, lui, il te pogne un de tes alliés, puis il s'en va plus loin, puis là, tu te ramasses, dans le fond, à combattre Dodo. Tout seul avec une autre personne. Puis la main après ça, quand tu le bats, tu fais perdre assez de vie, là, t'en reviens contre elle. Puis elle, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que tu l'attaques, ses tétons, elle arrête pas de bouger. Là. C'est drôle. Ok, wow. Beau petit clin d'œil Eros qui disait. Hein? Allez, mets du Eros dans ton jeu ton jeu vendra. Digne des Japonais, ça. Wow, ça, c'est très drôle. C'est ça. C'est pas. C'est très japonais. C'est très japonais. Puis le barrel volcano, dans le fond, c'est après. Okay. Une fois que t'as combattu, tu t'en vas là. Puis okay. C'est vraiment une bonne tune avec une bass. Ben, vraiment cool d'être entraînant. Ah, nice. Puis, ouais, c'est ça. Là-dedans, t'as un boss. T'as deux boss à battre, en fait. Quand t'es rendu à la fête, t'as une espèce de dragon qui a deux formes. Quand il se métamorphose, il devient comme une espèce de squelette. Il est quand même pas facile, me semble. Il fait fort. Puis, après ça, quand tu pars, je pense, pour prendre l'étoile, t'as les Axiom Rangers qui arrivent. Les Axiom Rangers, ceux qui savent, il y a un fun fact aussi, c'est une parodie des Power Rangers. Ok, ouais, c'est ça, je m'en allais dire. J'ai dit, du coup, certains, c'est japonais, on s'entend. Ah, oui. Je m'en allais dire, genre, Team Rocket, là, mais non, ça, c'est vraiment ouais. Ok. C'est une gang qui sont comme de couleurs différentes. Ouais, c'est ça, une rouge, un noir, un vert, un bleu. Puis c'est une parodie de Power Rangers, ça paraît. C'est tellement drôle. C'est assumé, hein. Ouais, c'est assumé. Ouais. C'est drôle. Ouais, c'est cool. Ça finalise cool. Pas mal le bloc. Ouais, c'est bon. Fait qu'on se fait un recap très rapidement. Ouais. On a Let's Do de Fuka Fuka. Pour ça, on a Marguerite Margarita suivi de Dodo's Coming. On a Barrel Volcano et The Axiom Rangers Drop In. Ouais. Bonne écoute! Et ben, donc nous sommes rendus au dernier bloc et dernier c'est bloc. Le 13e. Oui. Cette fois-ci, dans la première toune, nous avons Weapons Factory. Oui, en fait, le bloc il est vraiment consacré à la fin, au dernier endroit qui est le Smithies Factory, en fait. Ouais, le Smithies Factory, qui est carrément à la scène de la fin, finalement. Là. Ouais, exactement. Parce que Smithies, je me trompe pas, c'est lui qui fabrique toutes les ennemis, qui fabrique les. C'est ça, là. C'est... Smithy, c'est. En fait, aussi, c'est forgeron. Son nom, il dit. C'est ça, il dit, là. Donc. Ouais, fait que c'est ça. Qui est affilié avec l'espèce de grande épée du ciel qui est tombée dans le champ. Ouais, de c'est bazar, ça. Avec les... C'est sûr qu'on a skippé un bout de l'histoire, mais avant, c'est la Factory, on bat l'épée. T'sais, après les Axiom Rangers, je pense qu'on bat l'épée. Puis c'est okay. Après ça. Je pense qu'après ça, on tombe dans la Factory. Mais je me mêle, il me semble que c'est après. Non, c'est pas tout de suite. Il me semble qu'on va avec Sam Rangers. Après ça, on va dans le château de Bowser. Puis, on en retourne dans le château de Bowser. Puis là, il faut la refaire. Puis c'est après ça qu'on bat l'épée, il me semble. C'est pas tout de suite après. Ouais. Je pense que c'est C'est pas de suite, me semble. Ça se peut. Je suis un peu mêlé dans le temps de l'histoire. Ça fait longtemps aussi quand même. Ça fait un bout là. Ben, je peux te dire que la Factory, c'est juste c'est après l'épée, parce que quand tu pas l'épée, tu rentres dedans puis tu t'en vas direct dans la Factory. Okay. Mais c'est ça. Puis dans la Factory, c'est un peu une place pour farmer, pour monter tes levels, parce que là-dedans, tu peux tout rebattre les ennemis. Les Axiom Rangers, tu peux les rebattre. Tu peux rebattre les je pense que Yankovic, tu peux rebattre tous les boss, puis sont moins durs. Fait que tu sais, t'arbats les boss que t'as déjà battu, puis ça donne beaucoup plus d'expérience. Ça donne full d'XP, puis... Oui. Ah, c'est le fun qu'ils font ça. Ça, c'est cool. Je me souviens plus, je pense que c'est une couple de jeux que je jouais, tu sais, que, ouais, ben, m'amener, mon Dieu, t'as le boss de Vlopalon qui te repop d'en face. Ben, écoute, non, c'est ça. OK, oui, c'est Strider, le jeu que je parlais tantôt. Ouais, ouais. Ben, m'amener, tu bats un boss comme une espèce de mech warrior, whatever. Puis il est quand même assez tough. Puis tu viens que t'as des habilités, mais maintenant il te repop dans la face. Puis tu te dis comme, il est vraiment moins tough. Sauf que là, il n'y a pas vraiment d'RPG là-dedans. Là. Mais j'aime ça quand ils font ça. Ouais, c'est cool. C'est vraiment nice. Après ça, après Weapons Factory, on a Fight Against Smithy. Exactement. Et le combat contre Smithy, ça c'est. Et ça doit être épique quand même. Là. Ouais, c'est épique. Parce que on se bat contre Smithy. On se bat contre Smithy. Puis Smithy, c'est comme une espèce de gros barbu là, métallique là, qui a une couronne sur la tête. Puis son combat consiste, c'est ça, t'as Smithy d'un côté, puis l'autre bord, t'as comme une espèce de grosse, un gros tuyau, une espèce de grosse bobite, là, qui crache la glu, puis c'est lui, dans le fond, qui fait les... qui sert à forger, là, tu tires une glu, puis t'as Smithy donne un coup dessus, puis ça y fait des minions. Ça fait des minions, au fur et à mesure, là, que... Il est pas tant dur que ça, Kulex est plus dur, fait que lui, il est moins épié pas mal, là, comme... Si vous êtes niveau 30, vous allez pas avoir de misère, je pense pas. Mais faut quand même se farmer un peu idéalement. Là, oh oui, il y a des attaques assez puissantes. Puis une fois qu'on l'a battu, on s'en va pour la prochaine tune qui est Fight Against Smithies, Warlike Transforming. Puis dans le fond, c'est ça. Quand une fois qu'on l'a battu une première fois, on se ramasse comme sous terre, là, dans les profondeurs de l'usine, de la factory. Okay, ouais. Puis là, la musique, elle devient vraiment un peu creepy, là, elle devient assez intense. Puis là, t'as Smithy qui est vraiment beau maudit. Puis là, il se transforme. Sa tête, des fois, devient un tank. Des fois, ça devient une espèce de sorcier. Puis chaque tête a de quoi de spécial. Il fait des choses différentes. Il est pas tant dur, que ça. Avec la Lazy Shield de Mario, il perd tellement de vie. Ça n'a pas de bon sens. Il se fait très bien. Comme je lui dis, il est moins dur que Kulex. Puis Kulex, quand t'as ce qu'il faut pour le battre, tu le bats facilement. Avec lui, c'est encore plus facile. Ouais. C'est lui, c'est juste d'apprendre un peu son pattern. Ouais, bloquer c'est ça. Quand c'est le temps. Puis mais c'est épique. Tout devrait bien aller. Mais ouais, j'imagine, c'est le boss de la fin. Donc, il y a le fun. C'est ça, ça doit être grandiose. Comme le jeu au complet. Exactement. Hey, ça finirait-tu ce bloc-là? Ouais, ça finirait ce bloc-là. Eh hey, ben, Colin, on est rendu là. Donc, on se fait un recap. Donc, Weapons Factory en premier. Ça, Fight Against Smithy. Fight Against Smithy, Who Likes Transforming. Bonne écoute. Et c'est dès lors que se conclut, mesdames et messieurs, ce podcast. En fait, on conclut carrément moi j'appelle ça une journey, une aventure qu'on a eue. Un peu comme on a eu avec Chrono Trigger. Oui, pareillement, comme Chrono Trigger, on espère en fait que l'effet Chrono Trigger vous a eu le même impact. Parce que moi, j'ai vu, quand on a posté cet épisode-là, on a eu plusieurs photos de le monde a envoyé des photos, tu sais, avec le jeu, qui ont dit « Colin m'avait donné le goût de jouer, tout ça. » Hey, c'est ça le but. C'est vraiment ça le but. Ce jeu-là, c'est un classique. Ah oui, c'est ça. Un des très bons RPG de la SNES. Là, je suis allé au... C'est pas pour rien qu'on a fait deux podcasts consacrés littéralement à sa musique. On avait du stock, puis j'ai essayé du mieux de mes connaissances de me rappeler un peu de l'histoire sans trop mélangé. Oui, ça se peut qu'on soit mélangé sur certains points, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de vous faire découvrir la musique qui, selon moi, est fucking mémorable. Pour point, Johnny Depp a fait un spécial un de 37 minutes. C'est fou. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Johnny Depp, ça c'est un artiste que personnellement m'a. Johnny Atma plus. Dom Jean m'a fait connaître. À l'époque, il s'appelait Johnny Depp, mais là, il est rendu Johnny Atma. Allez voir son stock sur YouTube, Newgrounds, tout ça. Ce gars-là fait ses propres chansons, fait ses propres remixes de métal, c'était écœurant. Hein? Puis je veux vraiment que ce gars-là la notoriété qu'il mérite doit bien avoir. Plus que ça. Parce que tout son stock est disponible en téléchargement gratuitement sur son site. Puis je suis sûr qu'il met autant de temps, sinon plus, que n'importe quel artiste qui crée un album, whatever, il met beaucoup de. Il est tellement bon ce qu'il fait. Non, regarde. Il le fait pour la passion, puis il le fait pour l'amour de la musique de jeu. Ouais. Exactement comme nous. Oui, monsieur. Et voilà, Dom. Écoute, si on veut nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je pense que c'est assez facile. Vous pouvez nous rejoindre sur Geekorama, sur Twitter, sur Facebook également. Vous pouvez nous joindre, Geekorama. Aimez-nous, suivez-nous, ne manquez pas aucune nouvelle. Puis je me rends compte de ça au fur et à mesure que j'utilise les réseaux sociaux. Sérieusement, je poste vraiment des nouvelles. Des updates, tout ça, qu'est-ce qui se passe avec les épisodes, si mettons il y a eu un problème ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas inutile de nous aimer, de nous suivre sur les réseaux sociaux. On a aussi iTunes. iTunes. Oui, on est très important. Pas de laisser un beau petit 5 étoiles. Un 5 étoiles et un commentaire. C'est très apprécié. Très apprécié. Et allez vous abonner comme ça. Là, maintenant, vous pouvez écouter nos épisodes sur iTunes. Et là, pas les anciens jusqu'à 4, vraiment les nouveaux. Ils sont toutes là. C'est ça. Donc, voilà, c'est ce qui conclut l'épisode. Et j'espère, en espérant que vous avez aimé. Et mot de la fin, mon Dom? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on voulait dire? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est beau. Je pense que ça conclut vraiment l'épisode. Merci d'avoir été là, tout le monde. Puis on espère que vous avez apprécié cette grande saga de Mario RPG. Oui, autant qu'on a aimé la faire. Et on se revoit au prochain épisode de Geekorama. Oui. Bye. Bonne semaine. Salut tout le monde.